بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. Donc inchallah, je vais tout d'abord laisser la parole au frère vu que c'est l'accusation, elle vient de l'autre côté. En fait, pas l'accusation à fond, l'affirmation vient de l'autre côté que le takfir des mushrikin fait partie de Asl al-Din. Ce que je veux dire par Asl al-Din, pour bien comprendre, étant donné que c'est un mustalah qui certaines fois n'était pas présent à l'époque, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est apparu bien après pour justement limiter classer les sujets dans les sujets religieux. Ce mustalah là, pour qu'il soit bien compris, il est important de revenir aux sources même et au fondement même de ce mustalah, pour qu'il soit compris d'une manière convenable et comme l'ont compris ceux-mêmes qui l'ont établi. Donc ce que je veux dire par là, par Asl al-Din, c'est ce qui est représenté dans le hadith الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء ديننا واحد ونحن إخوة لعلات ديننا واحد فهو دين الأنبياء الذي ذكره الله عز وجل في قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد وهو كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc c'est de ça dont on parle. Et il a été mentionné aussi ملت إبراهيم عليه السلام كما قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ثم إن الله عز وجل جعلها يعني جعل هذه الكلمة باقية في ورثته. Donc simplement voici Asl al-Din, c'est ce sur quoi l'ensemble des prophètes se sont accordés et sans lequel nul ne peut être musulman dans tous les cas, qu'il soit ignorant, qu'il soit savant ou quoi que ce soit. Donc c'est ça dont on parle. Maintenant, ayyuha l'ikhwa, pour que les choses se passent convenablement, lorsqu'on cite une chose, un argument, on cite ad-dalil. Ad-dalil, c'est le kitab wa sunna l'ikhwa. Hatta l'ijma', il n'y a pas d'ijma' qui est accepté d'une manière comme de cette manière-là. Kullu ijma', comme l'a cité l'imam Shafi'i dans le Risala et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kullu ijma' lahu mustanadun shar'i. Donc lorsque vous citez un ijma', ayyuha l'ikhwa, citez le mustanad de ce ijma'-là, car sans le mustanad, on ne peut pas comprendre convenablement le contenu de ce consensus-là. Mais citez des consensus soit en arabe ou soit encore d'une manière plus importante, traduit en français, et puis forcez celui qui est en face à accepter le contenu qu'on a bien voulu comprendre de ce consensus-là, sans s'être donné la peine de revenir au mustanad, à la source même de ce consensus qui va mettre la lumière sur la dalala ou l'indication même de ce consensus, ça ne va pas nous avancer. Donc, el kitab ou sunna, et s'il y a un ijma', de citer le mustanad de ce consensus-là. Et lorsqu'on cite un texte du Coran et de la sunna, bien sûr, ça veut dire ne pas citer sa propre compréhension, citer l'explication même que les tafsirs ont donné à ce verset ou à ce hadith. Lorsqu'on cite un terme tel que le bara, lorsqu'on donne une définition, parce que les croix tout à l'heure, jazakumullahu khairan, ils ont dit al bara c'est al bourd ou al takfir. Donc j'insistais pour demander le dalil de ça. Donc, s'il vous plaît, barakoum, afin que votre temps est précieux et le temps de vos frères aussi est précieux, inshallah ta'ala. Donc, lorsque vous citez un argument, lorsque vous affirmez une chose, alaykoum bid dalil. Donc, je vous laisse la parole, inshallah. Et ni les paroles de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, ni les paroles de Cheikh Islam Taymiyyah, ni les paroles de qui que ce soit ne sont une hujja fi dinillahi azza wa jalla lazima lil ibad. Les paroles de qui que ce soit ne sont une hujja pour personne. Et la plus grande preuve, ayyuha l'ikhwa, vous savez bien, une chose qui est apparue et qui est certes malheureuse, mais c'est une réalité concrète. Lorsque pendant Sitta Mawadi' min as-Sira an-Nabawiyya, al-Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah rahmatan wasi'a, qui est un alam min a'lam hadha ad-din, il a cité l'histoire de al-mar'a min banat as-sahaba radiyallahu anhum, lorsque Mus'ab ibn Zubayr, cette femme était mariée à al-Mukhtar al-Thaqafi, et Mus'ab ibn Zubayr avait combattu cette al-Mukhtar al-Thaqafi. Puis Mukhtar al-Thaqafi, l'homme qui était sous la tutelle de al-Mukhtar, Cheikh Mohamed Abdel Wahab cite comme tel. Il dit, Moussab lui a demandé, ou les Sahaba lui ont demandé de faire son takfir, de se désavouer de lui. Elle a refusé de faire son takfir, et Moussab ibn Zubayr l'a envoyé une lettre à Abdullah ibn Zubayr qui se trouve à Médine. Il a dit, elle refuse de se désavouer de lui. Et à ce moment-là, Abdullah ibn Zubayr lui a dit, tue-la. Ça, c'est le récit que Cheikh Mohamed Abdel Wahab a cité. Ce récit-là trouve ses sources dans le Bidaya wa Nihaya, ayyuha l'ikhwa. Lorsqu'on revient à le Bidaya wa Nihaya, regardez le récit comment il est. Moussab ibn Zubayr lui demande, que penses-tu de cet homme-là? Elle dit, c'était un homme salih. C'était quelqu'un de vertueux. Puis Moussab ibn Zubayr a envoyé une lettre à Abdullah ibn Zubayr lui disant, elle continue toujours à croire que c'est un prophète. Et Abdullah ibn Zubayr lui a envoyé un courrier, si elle ne se désavoue pas de lui, tu l'as. Est-ce que vous voyez le fossé entre les deux récits? Le fossé, c'est un fossé. Al-farq bayna al-qissatayn wa bayna al-riwayatayn chasi' jiddan wa atharuhu wakhima. Les causes de ces deux récits sont très très grandes. Simplement, c'est pour ça que lorsque Cheikh Mohamed Abdel Wahab rahimahullah rahmatan wasi'a dit une chose, ce n'est pas un wahi, ce n'est pas une révélation, il faut vérifier. Lorsque Cheikh Mohamed Abdel Wahab, par exemple, ayyuha l'ikhwa, dit, c'est quoi le problème, j'ai bien compris, mais parce que, qu'est-ce que tu rapproches? Le Cheikh a dit rahimahullah, ils lui ont demandé de faire son takfir et elle a refusé de faire son takfir et ils l'ont tué parce qu'elle ne s'est pas désavouée de lui. Donc, c'est pas pareil. Parce que pourquoi ils l'ont tué? Parce qu'elle continue à croire que c'est un prophète. Ils l'ont tué dans le Bidaya wa Nihaya, ils l'ont tué parce qu'elle continue à croire que c'est un prophète. Et dans la riwaï, non, c'est pas la même chose. Imagine-toi que quelqu'un, il continue à croire que quelqu'un c'est un prophète. Taïb. Et quelqu'un qui ne fait pas le takfir de celui qui se prétend prophète, est-ce que c'est la même illa du kufr du takfir? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils sont dans les mêmes niveaux? Et est-ce que j'ai le droit, moi, lorsque je cite ce récit-là, de dire, non, c'est pas la même. Tout aqil ala kulli hal, toute personne aqila, réfléchis juste un peu, akhil karim, et tu verras. C'est comme si moi, par exemple, ce récit-là, il se produit, et je dis, la femme a été tuée parce qu'elle faisait pas le takfir de al-Mukhtar al-Thaqafi. Alors qu'en réalité, croyant sa prophétie, est-ce que c'est la même chose? C'est deux choses distinctes. Même si le hukm à la fin, il peut être semblable, mais c'est pas la même illa, c'est pas le même manat, c'est pas la même chose, la même cause qui a motivé le kufr de la personne. Donc citer ce récit-là et faire dire aux sahaba qu'ils l'ont tué parce qu'elle faisait pas son takfir, alors qu'en fait ils l'ont tué pourquoi? Parce qu'elle faisait pas, elle croyait toujours que c'était un prophète. Quoi qu'on veuille dire, c'est une erreur de transmission. هذا خطا في الروايه يعني مهما قلنا حتى لو قلنا بان الحكمان يستويان يعني ان المسالتان ان المسالتين تستويان في الحكم حتى لو وصلنا الى وانا لا اخفيكم ان هذا الامر سواسية يعني لا فرق بين الاول والثاني من حيث التكفير لا من حيث علية التكفير ومن حيث مناط التكفير. C'est pour toi que le Cheikh s'est trompé. Khair, Inch'Allah, si on est arrivé à un stade où le Cheikh Mohamed est au-dessus de tout, il ne peut jamais se tromper. Tadlo, Inch'Allah, simplement, je voulais juste une chose. Ad-dalil bi kitab wa sunnah. Cheikh Mohamed, rahimahullah, ou Cheikh l'Islam Taymiyyah, ou l'imam Ahmed, ou qui que ce soit, ne sont pas des hujja fi dinillahi azza wa jal. Si vous voulez affirmer une chose, al-kitab wa sunnah, ala fahmi salafi l'umma, et ce que je veux dire, c'est pas le fahm individuel d'un d'entre eux. C'est l'ijma' de l'umma, et le ijma', lorsque on cite un ijma', al-mustanad barakallahu fikum, puis lorsque vous citez un ijma', si yani les alfaz qui sont cités dedans, si mentionnez-le, Inch'Allah, citez le sens de ces alfaz-là. En revenant, la moindre des choses, donnez-vous un peu de peine et revenez il al-ma'ajim aux dictionnaires qui sont présents et regardez un peu si votre compréhension s'accorde avec ce qui est cité dans le sens linguistique al-ma'ani al-lughawiyya dit-il qu'al alfaz al-musta'mala fi hikayat al-ijma'at al-manqula. Donc c'est simplement ça. Wa barakallahu fikum. Je laisse inchallah le micro et tfadal akhi al-karim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. نعم زادك الله فضلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. يا ديسون vous m'entendez inshallah؟ نعم أخي الكريم ما تفضلت به أريد أن أعقب فقط Je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à ce que tu viens de citer et ce que tu viens de dire par rapport au Cheikh Mohamed Abdelhab. Nous, on ne dit pas que Cheikh Mohamed Abdelhab, il a du isma ou quoi que ce soit. Mais Cheikh, il voulait dire que c'est le même chokm, le fait qu'elle ne fait pas de takfir, ou bien elle le prend toujours comme Rajul Saleh, c'est la même chose, Akhi. Et si toi, tu viens de dire que Cheikh Mohamed Abdelhab s'est trompé, il faut prouver qui a dit ça, qui t'a précédé par rapport à cette parole. Parce que moi, je ne prends pas de toi, même si quoi que ce soit. On va ramener deux paroles. Et elle est basée sur, hein, je ne sais pas moi, il n'a pas une preuve, et toi, tu n'as pas une preuve. Un exemple, Mohamed Abdelhab, il n'a pas une preuve sur une parole, il a fait un ijtihad, et toi, tu as fait un ijtihad, un exemple. Je prends de qui? De toi ou de Cheikh Mohamed Abdelhab, Akhi Abou Salman? Ça c'est clair, on va pas délaisser une parole d'Allah ou bien une preuve claire du Coran et de la Sunna pour un cheikh, ça c'est clair, on va pas le faire. Mais par contre, une parole du cheikh Mohamed Abdelhab comme celle-ci, non, ça c'est clair, akhi, kalam al-alim yuhtajju lahu wa la yuhtajju bih. Mais dans ce cas-là, quand il n'y a pas une preuve, je prends de toi, je prends du cheikh. Il faut qu'on soit quand même raisonnable, akhi. Admettons, il n'y a pas. Moi, je parle par rapport à ça. Admettons, il n'y a pas. Ibn Kathir, mais akhi, je te dis, c'est le même choc. Le fait qu'elle dit, c'est Rajul Saleh, et le fait que celui-là, Cheikh Mohamed, il dit, elle n'a pas fait takfir, ça revient au même. Ça veut dire, elle ne l'auront pas mécréant. Toi, pour toi, ça veut dire quoi? Non. Akhi. Ouais, mais ça se base sur plein de choses, cet exemple-là. Parce que on me l'a déjà cité, et tu l'as cité par rapport à ça. Tu l'as cité. Bref, on parlera, Inch'Allah, par rapport à ce sujet-là. On va arriver. Inch'Allah, bidhnillah. T'as dit que, par rapport à l'ijma', ça c'est clair, l'ijma' al-mutawatir, comme il a dit Ibn Daqiq al-Aid dans son livre Ihkam al-Ihkam, Sharh al-Amdat al-Ihkam, il a dit qu'il y a toujours deux ijma'. الإجماع المتواتر أو التواتر إجماع التواتر هذا هو الذي يكفر جاحده celui-là qui le renie ou bien celui qui nie ça, il est mécréant. Par contre, le deuxième, s'il n'y a pas un tawatur dedans, on ne le rend pas mécréant. Il a nié ou il a renié le ijma'. Non, on le rend mécréant parce qu'il a renié ce tawatur-là. Exact. Voilà, il y a une différence entre les deux. Et certains, ils n'arrivent pas à distinguer entre, c'est entre parenthèses, parce que certains frères, ils n'arrivent pas à distinguer entre l'ijma' al-mutawatir. يعني رد الإجماع من رد التواتر هنا يكفر وليس رد نكفره لأجل رد الإجماع فالفرق فهناك فرق بين الاثنين المهم المسألة هنا التي نريد أن نتكلم فيها اليوم d'après ce que j'ai compris certains parce que je suis venu en retard mais أنت تقول أن التكفير si j'ai bien compris, après tu vas me... At-takfir laysa min asl ad-din. Hal sahih? Est-ce que tu dis que vraiment le takfir, il n'est pas parmi asl ad-din? C'est, il faut... Al-asl annu al-bara'a ou al-bughd. Tu veux Allah, am taktub? Comment tu veux? Tu veux le mic ou tu veux écrire? تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. Pour ce qui concerne ce que j'ai dit, vu le plus important c'est pas ce que j'ai dit moi. Ça je vais l'expliquer inshallah, c'est pas un problème. Mais étant donné que c'est vous qui affirmez une chose, donc c'est à vous tout d'abord d'exposer les dalils de votre affirmation. Moi ce que j'ai dit c'est que at-takfir bima'na adama itlaq اسم الإسلام على مقترف الشرك لا يدخل في أصل الدين، وأقصد بعدم إدخاله في أصل الدين أن الإنسان لا يعذر مطلقا سواء كان جاهلا أو متأولا أو غير ذلك. C'est ça que je veux dire. C'est que si on vise par le takfir, le fait que la personne ne soit pas, de ne pas attribuer le nom de musulman à une personne, dans l'absolu, maintenant, la chose, c'est que je veux de votre part que vous exposiez votre position. Vous avez dit que le fait d'appeler quelqu'un musulman alors qu'il fait du shirk, هذا مناقض لأصل دين الأنبياء وفي كل الأحوال سواء كان يقصد هذا الإنسان بلفظة الإسلام بإطلاق لفظ الإسلام أن أن أن أن مقترف الشرك محقق للتوحيد أو أنه وإن كان غير محقق للتوحيد وغير محقق لأصل الإسلام فيطلق عليه لفظ اسم الإسلام بمعنى الفروع. Donc moi simplement ce que je voudrais, c'est que vous exposiez votre position à la lumière du Coran, de la Sunna, et d'une manière convenable. Et lorsqu'on dit Asl al-Din, qu'on soit précis, c'est ce sur quoi tous les prophètes se sont accordés, et est-il que dans l'une des législations le contraire soit. Et ça c'est un point qui est très très important, je le cite ici, pourquoi? Parce que je vais y revenir sur un point en particulier, Inch'Allah, par après. Et vu que c'était pas toi qui étais là au départ, Akhi, il y avait d'autres frères qui étaient venus et qui eux avaient affirmé leur position. Donc c'est étant donné que c'est eux qui ont affirmé, c'est à eux de prouver leur affirmation. Et je vous écoute, Charlotte Fadel. Barakallahu fik ala hadha at-tawdih. Al-muhim, je vais dire quoi? Je vais citer quelques exemples. Pour qu'on commence, Abu Salman, يعني نبدأ بمثال مثلا وهنا يتبين الأصل، هل هذا يدخل في أصل الدين؟ هل أنت يعني ترفض أن تدخله في أصل الدين؟ أخي التأصيل سيطول الكلام، ونحن متفقين أخي نحن الأصل أن نحن متفقين فيه. الآن هناك لكي يتضح المثال، لكي يتضح المعنى، parce qu'en fait j'étais pas là. Et là à cause de ça, je voulais comprendre certains points par rapport à des exemples que certains trucs. Je vais citer des exemples, on parlera après, Inch'Allah. Abou Salman, tu viens de citer le Asl. On est d'accord dedans. Mais après, il faut citer des exemples pour savoir est-ce que cela, tu le fais rentrer dans Asl al-Din ou pas. C'est ça? Pour qu'on soit d'accord. Tu l'as fait, tu as dit que Asl al-Din c'est le kufr bit-tagut wal iman billah. Après, tu as cité certains versets. Après, on a dit, moi je t'ai dit tout à l'heure en écrit, je t'ai dit Asl al-Din. Voilà c'est quoi? Je t'ai dit le kufr bit-tagut wal iman billah. Après, je t'ai cité la parole de Mohammed Abdullah. C'est Asl al-Din Islam wa qa'idatuhu amran. La première c'est l'amr bi ibadatillah wahdahu la sharika lahu wa tahrid ala dhalik wal muwalat fih wa takfir man taraka, wa thaniya al inzar an shirk fi ibadatillah wa taghlid fi dhalik wal muadat wa takfir man fa'alahu. C'est pas que je te dis comme ça, on verra si on est d'accord ou pas. C'était la parole de Cheikh Mohamed. Je sais pas, vas-y akhi. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akhi, tu as cité la parole de Cheikh Mohamed, rahimahullah, lorsqu'il a dit wa aslu din wa qa'idatuhu al-amr bi'ibadatillah wal muwalatu fi wa at-tahrid 'ala dhalik. Al-amr bi'ibadatillah, c'était l'ordre d'adorer Allah azza wa jal, wa al-muwalatu fi, et de s'allier à ceux qui réalisent le tawhid, wa at-tahrid 'ala dhalik, et inciter les gens à ça. Wa at-tahdhiru min ash-shirk. La deuxième, la mise en garde, at-tahdhir min ash-shirk wa adawatu ahlihi wa takfir man iqtarafahu wa man fa'alahu kama qala ash-shaykh. طيب, ici dans ce que je te pose là comme question ici, est-ce que tout ce qu'a cité le cheikh ici fait partie de asl ad-din? C'est la question que je te pose. Est-ce que tout ce que le cheikh a cité fait partie de asl ad-din, à savoir l'adoration d'Allah Ta'ala, inciter les gens à adorer Allah Ta'ala, s'allier à ceux qui réalisent le tawhid, faire le takfir de celui qui s'oppose au tawhid, l'abandon du shirk, mettre en garde les gens contre le shirk et faire le takfir de celui qui fait du shirk. Est-ce que toutes ces choses-là font partie de Asl ad-Din, vu que la parole du shirk, elle indique que tout fait partie de Asl ad-Din? Donc je voudrais savoir ton avis, Inch'Allah. Tfadala. Zadakallah. Naam. D'après ce que j'ai compris de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, quand il a cité ces deux règles-là, tout cela y rentre dans Asl ad-Din. Car il a continué sa parole avec quoi? Il a dit فَلَا يَتِمُّ مَقَامُ التَّوْحِيدِ إِلَّا بِهَذَا وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ أَنذَرُوا قَوْمَهُمْ عَنِ الشِّرْكِ كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فهو يستدل بهذه الآية مثلا, ويستدل بآية أخرى وما أرسلنا من قبلك إلا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو يقول هنا إلى دي فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا. Ça veut dire quoi, si je peux traduire, le tawhid, il va pas être, je sais pas comment tu peux le traduire à Abou Salman, tu le traduis inshallah, l'essentiel je sais que tu l'as compris, réalisé barakallahu fik illa bihala, sauf avec cela. Et c'est ça la religion des prophètes, il a dit comme ça. À toi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, par rapport à ce que tu as mentionné, Akhi, si tu revois bien ce que je veux dire par là, je veux que que tu sois attentif à une chose. Regarde ce que le cheikh il a dit. Il a cité quoi dedans? Il a cité inciter les gens au tawhid, faire da'wah au tawhid, interdire le shirk, appeler les gens à abandonner le shirk et s'allier aux muwahhidin. Tayyib. D'accord. Les khawarij, ils sont désavoués des muwahhidin ou non? Est-ce que les khawarij se sont alliés aux muwahhidin? Ou est-ce qu'ils se sont désavoués des muwahhidin? Ils sont désavoués, comme tu sais, des plus grands muwahhidin qui sont sur terre, qui sont les sahaba radiyallahu anhum. Est-ce que lorsque les salafs qui ont fait le takfir des khawarij, est-ce que lorsqu'ils ont fait le takfir des khawarij, ils ont dit que les khawarij n'a qadwa sladin, ou parce qu'ils ont fait leur takfir parce qu'ils ont kadhab al-nusus al-shar'iyya? Taïb, je te laisse ça. Deuxièmement, est-ce que celui qui n'appelle pas au tawhid, est-ce qu'il n'a pas réalisé Asl ad-Din? Et est-ce que celui qui n'interdit pas le shirk n'a pas réalisé Asl ad-Din? Et si tel est le cas, qui t'a précédé dans cette affirmation-là? Wa barakallahu fik. Tfadal akhi. Donc les points, je répète, les khawarij ne se sont pas liés aux muwahhidin, bien plus, sont désavoués des muwahhidin, et qui étaient à cette époque-là les sahaba al-kiram radiyallahu anhum. Est-ce que c'est pour autant que Ahl al-Ilm, lorsqu'ils ont traité de la question des khawarij, est-ce que l'un d'entre eux a dit que les khawarij sont des koufars parce qu'ils n'ont pas réalisé Asl ad-Din? Est-ce que le fait d'inciter les gens au tawhid fait partie d'Asl ad-Din? Est-ce que le fait d'interdire le shirk fait partie d'Asl ad-Din? Et qui a dit ça avant? Donc de cette affirmation là, celui qui abandonne la da'wah et il ne fait pas de da'wah, est-ce qu'il est mécréant? Et est-ce que celui qui aktum dinahu pour ad-dunya, il ne manifeste pas son din pour un intérêt de dunya, est-ce qu'il est kafir? Parce que celui qui ne manifeste pas son dîn, ni l'a incité au tawhid, ni l'a interdit le shirk. Et tu sais, bon, je pense que tu sais bien que celui-ci n'est pas mécréant, bien que le shirk a fait entrer ces deux choses-là dans Asl ad-Din. Donc comment ça se fait? Tfadal akhi. Naam. Zalakallahu fadlan akhi. بالنسبة للخوارج أعطوا لي خوارج سبغة جزاو دي موحدين comme les Sahaba, mais ça c'est pas. Premièrement, c'était par ta'wil, mauvaise interprétation. Et deuxième chose, que il y a, on le sait tous, que c'est pas le, comment il s'appelle, c'est pas le cas de ces les Khawarij quand ils ont fait ils avaient une comment il s'appelle, une shubha. Et il y a une divergence dedans par rapport au takfir. Comme tu as dit, quand ils ont fait takfir par rapport à ça, c'est par rapport les hadiths qu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plusieurs comment il s'appelle, un étorok. C'est pour cela ils l'ont remis créant. يعني يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. Par rapport le, comment il s'appelle, quand tu m'as dit celui qui ne manifeste pas le shirk, moi je te réponds par rapport à la question. Ils ont posé la question à Cheikh Mohamed, ou bien si je me rappelle, ou bien c'est un de ses enfants, par rapport les cinq que tu connais, quand ils ont posé la question, le premier, le deuxième, il y a celui qui l'a, le premier c'est celui qui n'a pas, qui connaît pas le shirk, est-il connaît pas le tawhid, celui-là est kafir, yani, il n'a pas détesté le shirk, quoi. Il n'a pas aimé. Et un deuxième, celui qui connaît pas shirk, من لم يعرف الشرك ولم ينكره. Le premier c'était من لم يبغض الشرك ولم يحبه. Et le deuxième, celui qui, ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره ولم ينفيه. هذا لا يكون مسلما. Et un autre, celui, ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. Et un quatrième, c'est là où il cite Cheikh Mohamed Abdelwahab, il dit ومنهم من هو أشد نوعا وخطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم فهذا هو أشد أنواع الأخطاء. celui qui a manifesté le tawhid, il a pratiqué son tawhid, mais il a pas donné son, comment on dit, لم يعرف قدره. Il a pas vraiment donné sa valeur, quoi. Et après, il a pas détesté ce qu'il a dit, laisser ça. Après, il n'a pas dénoncé, il n'a pas kafar. Et Cheikh, et là, il dit, et celui-là, il est parmi les. وهو أشد أنواع خطرا لأنه لم يعرف قدر ما عمل به ولم يجئ بما يصحح توحيده. وهذا هو الصحيح. يعني ceux-là, c'est vraiment les types dangereuses. Dans tout cela, c'est celui-là le plus dangereux, qu'il connaît le tawhid, il a pratiqué, mais il n'a pas donné sa valeur, il n'a pas compris sa valeur, et il déteste pas les, comment il s'appelle, ceux qui ne le pratiquent pas. Et ça, c'est se basant sur le verset qu'il dit, où il dit Ibrahim alayhi salam, yani fi qawlihi ta'ala, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ou bien l'autre verset qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, inna bara'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawata wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Il se base sur ces deux versets-là pour rendre créant celui qui, je viens de te citer, celui que tu m'as demandé, est-ce que celui-là est fait partie du kafirin ou pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, Akhil Karim, tu as dit que les Khawarij ne sont pas devenus des kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un ta'wil. Taïb. Donc, Cheikh Mohammed Rahimahullah a inclus, il a fait entrer Mu'alat ou Ahli Tawhid dans Asl-Din, mais on accepte quand même le ta'wil dans le Mukhalafa, dans un juz de ce As-2, de ce principe-là. مع أن الشيخ محمد رحمه الله قد أدخل موالاة أهل التوحيد في أصل الدين فقد قبلنا التأويل في مخالفة جزء من هذا الأصل. On a accepté donc le ta'wil et la mauvaise compréhension dans l'opposition à un juz, à une partie de ce asl-là qui est le mu'alat, qui fait partie d'un asl qui est plus grand, qui est asl din. Donc on voit bien que on peut accepter at-ta'wil dans fi ajza ba'd ma dhakarahu al-sheikh rahimahullah ta'ala, toujours en rappelant que la parole du sheikh n'est pas une hujja. Mais on continue inshallah dans le sens où le sheikh il a stanbat hada min adillat al-kitab wa sunnah. Tayyib, mais concrètement donc on voit que asl ad-din, on a deux solutions. On dit que asl ad-din, parce qu'on a fait entrer mu'alat ahl al-shirk ahl al-tawhid dans asl ad-din, et après on a dit que celui qui a un ta'wil quant à ça et wa tabarra min ahl al-tawhid, il est excusé. Donc soit on en vient à accepter ta'wil fi asl ad-din, soit on dit que certaines choses que Cheikh Mohammed il a citées ne font pas partie d'asl ad-din et font partie de l'azimi asl ad-din, de l'implication de ce asl. Et à ce moment-là, on va revenir à une autre chose, c'est que munaqadhata asl al-lazim tunaqidhu al-asla, munaqadhata asl al-lazim tunaqidhu al-asla, amma munaqadhata juz'in min hadha al-asl fa innaha la tarji'u 'ala al-asl al-ibtal. وأما مناقضة جزء من هذا من هذا اللازم فإنها لا ترجع على الأصل بالإبطال. Donc je répète, on a deux solutions face à nous. Soit on accepte que Asl ad-Din accepte التأويل, parce qu'on a dit que Mu'alat Ahl al-Tawhid fait partie d'Asl ad-Din, et on a vu que les Khawarij khalafu Mu'alat Ahl al-Tawhid wa tabarra'u min Ahl al-Tawhid. Donc soit si on laisse Mu'alat Ahl al-Tawhid dans Asl ad-Din, on sera obligé de quoi? D'accepter que Asl ad-Din accepte lui-même l'udhr, l'excuse par le ta'wil. Sinon on a une autre solution, c'est de dire que certaines choses que Cheikh Mohammed rahimahullah a citées ne font pas partie de asl ad-din mais font partie de l'azim, et c'est la position à laquelle j'adhère, et j'en reviendrai inchallah par après. Soit on accepte que Cheikh Mohammed rahimahullah a cité donc dans ce tafsil là certaines choses qui font partie de l'azim, mais il les a entrées dans le nom de l'asl tagliban ou tasamuhan. Donc dans ce cas-là, on va en venir à une autre chose, c'est que munaqadhat, que l'opposition à l'une des branches, à l'une des implications, que l'opposition à la base même de l'implication d'un asl remet en cause l'asl, mais l'opposition à une des branches de l'implication d'un fondement ne remet pas en cause le fondement. Un exemple concret, l'amour d'Allah, c'est un asl ou pas? C'est un asl. Ça fait partie de l'asl ad-din, wa la yukhalifu fi dhalika illa zindiq. Donc l'amour d'Allah fait partie d'Asl ad-Din et nul ne peut diverger sur ça. Tayyib, quelle est l'implication de ce Asl-là? C'est l'obéissance à Allah Azzawajal. Quelle est l'implication de ce Asl-là? C'est l'obéissance d'Allah. Celui qui n'obéit pas du tout à Allah, il a naqad, il s'est opposé à Asl ad-Din. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réalisé la base même de l'implication de ce Asl. Donc le Asl disparaît à son tour, qui est l'amour d'Allah Ta'ala. Maintenant une chose, celui qui n'obéit pas à Allah dans certaines choses, donc à moins qu'il y ait un texte qui prouve que cette chose-là est du kufr en soi, donc celui qui désobéit à Allah dans l'obéissance parentale ou autre, cette personne-là n'a pas remis en cause la base même du lazim, de l'implication du asl, et le asl ici est l'amour d'Allah Ta'ala. Donc celui-ci, on ne dit pas que son opposition, que c'est un mukhalafa, remet en cause la présence même du asl qui est l'amour d'Allah Ta'ala. Ça c'est une première des choses. Et comme on voit pour le khilaf des Khawarij, il y a eu sur la mécréance des Khawarij, il y a eu un khilaf, mais nul n'a jamais dit que les Khawarij étaient mécréants parce qu'ils ont khalaf Asl ad-Din. Personne n'a jamais dit ça. Donc si personne n'a jamais dit ça, on a deux solutions face à nous. Soit On dit que Mualat Ahl al-Tawhid fait partie d'Asl al-Din. Et nul n'excuse nul n'est excusé par l'ignorance ou la mauvaise compréhension dans ce cas-là. Soit on accepte qu'il ne fait pas partie de l'Asl et qu'il fait partie de l'Azim. Et dans ce cas-là, je vais demander juste une chose. Quelle est la différence entre celui qui ne réalise pas le Mualat Ahl al-Tawhid? Dans certains cas, je ne parle pas de celui qui n'a pas réalisé la base même de la Mualat, je parle de Sukha Alef qui s'est opposé dans l'une des branches de cette Mualat et celui qui s'est opposé dans l'une des branches de Takfir al-Mushrikin. Pourquoi dans ce cas-là on n'accepte pas de Ta'wil? Si on dit au Sheikh Mohammed, rahimallah, il a cité que ça fait partie d'Asl al-Din, Sheikh Mohammed l'a aussi cité que Mualat al-Tawhid fait partie d'Asl al-Din. Pourquoi on fait la différence entre ça et ça? Simplement, Akhi Karim, si tu me permets, après je te laisserai beaucoup plus de temps, Inch'Allah, simplement pour revenir par rapport à certaines choses que tu as citées. Wa jazakallahu khairan. Donc tu avais dit, celui qui manifeste pas le tawhid, il n'est pas mécréant, comme l'a expliqué Al-Sheikh dans Naam. Il n'est pas mécréant. Donc maintenant, comment tu expliques que le Sheikh l'a introduit dans Asl al-Din? Donc on en vient à une conclusion, comme j'ai cité auparavant. Donc l'Asl al-Din dont parle le Sheikh inclut aussi bien Asl al-Din que le Lazim, ou sinon ça nous amènerait à arriver à une conclusion, c'est que Asl al-Din accepte l'udhr bil jahl wa ta'wil, et je ne pense pas que tu dises ça, donc tu seras obligé de faire entrer ça dans le lazim et de faire la différence entre l'asl et le lazim. Et cette différence, je sais très bien que tu l'as fait, mais simplement d'accepter que le Sheikh Mohammed rahimahullah certaines fois cite dans Asl al-Din ce qui n'en fait pas partie. Et tu avais cité par rapport à celui qui ne déteste pas les mouchriquins. Maintenant, je te pose juste une question. Si tu peux écrire les questions, parce que moi, au même titre que... C'est-à-dire, quand tu cites des choses, je prends des notes pour juste ne pas oublier. Une question, Akhi Barakallahu Fik. Celui qui déteste une personne qui déteste une autre qui a commis du shirk dans son shirk. Première chose. يبغضه لشركه ويعتقد انه على ضلاله في شركه. Donc il le déteste pour son shirk. Il est convaincu qu'il est dans un égarement évident dans son shirk. Troisièmement, يعتقد انه مخالف لاصل الدين. Donc il est convaincu qu'il s'oppose à la base même de l'din. لا يعتقد انه على هدى. Il n'est pas convaincu qu'il est sur une guidée. في اصل الدين. ويعتقد انه على الضلاله ولا يعتقد انه ولي لله في اصل الدين. Il n'est pas convaincu que c'est un wali d'Allah, un ali d'Allah dans Asl al-Din. Mais il lui a tout de même attribué ism al-islam لانه يظن ان الاسلام بمعنى يعني بمعنى الانتساب اليه يطلق على من فعل فعلا شركيا ان كان جاهلا بان هذا الفعل ان كان جاهلا حتى تقام عليه الحجه وهو يبغضه لشركه. Donc il le déteste pour son shirk. Il est convaincu que dans son shirk il n'est pas sur une houda, sur la guidée. Il est convaincu que ce qu'il fait s'oppose à la religion des prophètes. Est-ce que celui-ci est comparable à celui qui pense que le mushrik a réalisé le tawhid? Parce que beaucoup, quand ils disent que celui qui ne fait pas le takfir du mushrik, il est kafir lui-même, ils te disent parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que le tawhid. Tu lui dis pourquoi? Il te dit parce que s'il ne fait pas le takfir du mushrik et il pense que le mushrik est musulman, c'est qu'il pense que le mushrik a réalisé la ilaha illallah. Taïb, ça c'est un lazim. Si la personne qui vient après, il te dit moi je me désavoue de ce lazim-là, et je sais que le mushrik n'a pas réalisé la ilaha illallah, mais il est toujours nommé musulman, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'Allah l'a voulu, comme on l'a compris dans les nosos, dans les textes du Coran et de la Sunna, et comme l'homme qui a ordonné qu'on le brûle, et ainsi de suite. Je ne veux pas revenir sur ce hadith, on va en discuter par après, Inch'Allah. Simplement, je cite l'argumentation des autres. Est-ce que celui-ci, on peut dire qu'il ne sait pas ce que veut dire la ilaha illallah, et il ne sait pas qu'est-ce que l'islam? Parce que s'il savait qu'est-ce que l'islam, il saurait que le mushrik n'a pas réalisé l'islam. Lui, il te dit le mushrik n'a pas réalisé l'islam dans le sens où il n'a pas réalisé le tawhid. Mais le nom de muslim lui est toujours attribué tant qu'Iqamat al-Hujja n'a pas été faite sur lui. Est-ce qu'on peut dire que celui-ci ne sait pas qu'est-ce que l'islam? Barakallahu fik akhi. Et essaye tout d'abord de revenir sur les premiers points que j'ai cités sur les khawarij. Donc, il y a une chose que je vois sur laquelle on est d'accord pour l'instant, c'est que celui qui ne fait pas de dawa et qu'il manifeste la yudhir dinahu et qu'il ne manifeste pas son din, il n'est pas kafir. Je pense qu'on est d'accord tous les deux sur ça. Tayyib, maintenant comment expliques-tu que Cheikh Mohammed l'a introduit dans Asl al-Din wa qa'idatuhu wa an-tawhid la yatimu illa bidhalik? Comment tu expliques ça? Que le tawhid ne peut se réaliser sans ça, alors que ces deux choses-là, on est tous les deux d'accord, et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de rationnel qui puisse s'opposer à ça et dire que celui qui ne fait pas de da'wah au tawhid ou qui ne met pas en garde contre le shirk et qui ne manifeste pas son din pour un intérêt de dunya ou pour pour un intérêt de dunya, il est musulman et on connaît, il est mécréant. Et on connaît tous les paroles du Cheikh Abdel Latif sur ce sujet, comme كما تفضلت به والله تعالى اعلى واعلم وتفضل اخي. Non. Barakallahu fik pour cet éclaircissement. Désolé. En fait, ce que je voulais dire, juste par rapport à. Il y a un truc que je veux. C'est que. Ce qu'il a dit Cheikh Mohamed Abdel Wahab, pour moi, d'après ce que j'ai compris, si j'ai mal compris, bah tu me corriges. Moi, je vois que Mohamed Abdel Wahab, il a fait rentrer le deuxième pilier, l'inzal an al-shirk fi ibadatillah wa al-taghlid. Il n'y a pas de sang? Vous m'entendez pas? Parce que le frère Abou Salman, il n'entend pas. Tu m'entends? Oui. Abou Salman. T'as dit ça ou pas? Non. Moi je vois que Mohamed Abdullah, quand il a fait rentrer certaines choses, certains trucs, comme on a dit l'inver, anishirk, l'ibaditillah, ou taglid, et tout cela, il a fait partie de Asl al-Din. Il veut parler de cela. Il ne parle pas de. On est d'accord par rapport à ce qu'il manifeste, ce qu'il ne fait pas de da'wah au tawhid. Un exemple, bien sûr, s'il ne fait pas de da'wah au tawhid, il n'est pas mécréant. C'est la de Asl al-Din, ça c'est clair. Mais moi je te parle de la deuxième règle où le Cheikh il l'a cité, c'est là où il a dit. ومن فعله فلا وتكفير من فعله على فاين دي وتكفير من فعله فلا يتم مقام التوحيد الا بهذا il parle de la deuxième règle, il parle pas de la première. Ça c'est ce que j'ai compris quoi. Et deuxième chose, Zamir يعود على الثانيه اخي. انا ce que j'ai compris parce que il a détaillé la première, il a pas cité celle-ci. لا يرجع على الاثنين اخي. لا يرجع للاثنين لانه الاولى كان فصل الى بيان ديتا الى بخوميير الى باسيتي سا الى باسيتي سا والله اعلم. نو اخي سي با لا لا المستعان لا سي با سا اخي سي با سا صلى الله العفو العافيه لا سي با سا. Non, je le sais. Là, j'ai fait des autres. Ouais, parce que franchement, c'est. Inch'Allah, khair. Barakallah, fik ala al-tawdih. Deuxième chose, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai cité sur le fait de celui qui connaît le tawhid, il connaît le tawhid. يعني من عارف التوحيد السلولة توجد جتدي لكافر الشيخ يبوك سيان كافر سلوكي كونجستي جمع بالبلي و كسو جستي تتالع سلوكي الفي اطان جبلا شخشي بلا سيتي Non, je t'ai dit celui qui connaît le tawhid. Non, j'ai pas dit celui. Je t'ai dit le dernier, le plus dangereux, c'est celui qui connaît le tawhid. Il connaît le tawhid. Voilà qu'il n'a pas arrivé à Kadra. C'est celui-là, je pense. J'ai dit celui-là. Man arrive à tawhid. Man arrive à tawhid. C'est celui-là, je pense que j'ai cité tout à l'heure. Man arrive à tawhid. Voilà qu'il n'a pas arrivé à Kadra. ولم يبغض je pense celui-là ولم يبغض المشركين. Celui-là, Cheikh, il dit, c'est le plus dangereux. Celui-là qui connaît Tawhid, mais il n'a pas connu sa valeur, mais il ne connaît pas sa valeur. C'est celui-là le plus mécréant par rapport aux autres. C'est le plus dangereux. C'est un mécréant. Mais toi, tout à l'heure, je ne sais pas, tu as dit c'est un musulman ou j'ai mal entendu, je ne sais pas. Parce que c'était celui-là, j'ai dit c'est un mécréant. Il connaît Tawhid, mais. Parce que pour moi, il reste 10 minutes à peu près pour Salat. Je ne sais pas si c'est à toi de... Je n'ai qu'un coup, mais je vais faire. Pour moi, c'est... Comme tu veux, après. C'est juste entre parenthèses. Si tu me permets, parce que j'ai un truc à te dire par rapport à quand tu as dit... C'est à toi, c'est l'heure. Je voulais juste te dire par rapport à celui qui t'a donné l'exemple. Un exemple, il voit que c'est un mouchrik, mais il ne le fait pas takfir. Moi, je vais te citer la parole de Mohamed ibn Abdul Wahhab ou Cheikh Ishaq, rahimahullah. Il ramène la parole de son père, de son grand-père, Cheikh Mohamed. Il dit, dans une risala quand il a fait à Ahmed ibn Abdul Karim, sahib l'Ihsa, il a dit Mohamed ibn Abdul Wahhab, min Mohamed ibn Abdul Wahhab ila Ahmed ibn Abdul Karim, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd, wasala maktubuka, tuqarriru المسألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إشكال تطلب إزالته ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت على كلام شيخ الإسلام أزال عنك الإشكال فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام وعلى أي شيء يدل كلامه على أن من عبد الأوثان عبادة اللات والعزة وسب دين الرسول بعدما شهد به مثل سب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة فضلا عن غيرهما هذا صريح واضح وواضح في كلام ابن القيم وفي كلام شيخه الذي ذكرت أنه أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله ودعاهم في الشدائد والرخاء وسب دين الرسول بعدما أقر بها وليس في كلام هذا مجزفة بل أنت تشهد به عليهم ولكن إذا أعمى الله القلوب فلا حيلة فيه وإنما أخاف عليك من قول الله تعالى فطبع على قلوبهم فهم يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون والشبهة البغيضة التي دخلت عليك من أجل هذه البضعة التي في يدك تخاف أن تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين وشاك في رزق الله وأيضا قرناء السوء وأنت والعياذ بالله تنزل درجة أول مرة في الشك وبلد الشرك وموالاتهم والصلاة خلفهم وهنا يعقب يعني الشيخ إسحاق يعقب على هذا الكلام يقول فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء وفي كفر يعني يكفر العلماء الذين يشكون في كفر هؤلاء عبدة الأوثان الذي على قبر يوسف وأنه صريح في كلام ابن القيم رحمه الله وفي حكايته عن صاحب الرسالة وحكم عليه بآية المنافقين وأن هذا حكم عام شواخ يا أبو سلمان يعني كيف يقول الشيخ محمد بن عبد الله بارسا وفات إلى Il a envoyé une lettre à un cheikh qui s'abstient ou bien ils ne rendent pas mécréants ceux qu'ils adorent, les idolâtres, ceux qu'ils adorent, les tombeaux qui font du cheikh Akbar. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il a pris une parole de cheikh l'islam de Taimiya, il voulait l'appliquer, il dit qu'on ne peut pas rendre mécréant un cas précis, un aïnan. on peut pas les kafar x y direct précise quoi. Et après il commence à citer la parole du cheikh l'islam, le cheikh Mohamed Abdul Wahhab. Il a dit t'as rien compris de sa parole, et c'est le contraire. Ces cheikhs là ils sont connus comme Ibn al-Qayyim et son cheikh Mohamed, ils ont des paroles claires qui rendent créants ces gens là même ceux qu'ils doutent d'eux. Et après il dit mais si quelqu'un Allah il a rendu aveugle de ce qui s'est révélé, on peut rien faire pour lui. Après il a dit j'ai peur sur toi que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سورة المنافقون les hypocrites. Après il a dit et là Cheikh Ishaq il a fait un commentaire sur ça. Il a dit regardez que Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab il remet créant ces savants là qui s'arrêtent ou bien qui s'abstient sur le takfir d'un idolâtre, et il l'a jugé par rapport au verset du Ayat al-Munafiqin. Et ce jugement là c'est un jugement voilà. Et à toi de faire un commentaire ça par rapport à ça, parce que tu me dis quelqu'un qui connaît le shirk, il voit que c'est un shirk, mais il ne le rend pas mécréant à cause de il faut iqamat al-hujja. Franchement moi je vois celui là il a يعني هو يكذب الكتاب والسنة يكذب الكتاب والسنة. الشيخ إسحاق رحمه الله dans la même رسالة il dit quoi فتأمل ذلك فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. تأمل كلام الشيخ رحمه الله في تنزيله على صاحب الرسالة أن المنافقين وإن تحيزوا إلى عبادة الطاغوت ثم حكم عليه بالردة. وبعد ذلك يقول الشيخ في قضية من لم يكفر الكافر فهو هو شأنه شأن من عبد الأوثان والقبور ومن لم يكفر كفره فهو كافر وهذا هو معتقده. يقول الشيخ رحمه الله هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا نعوذ بالله من الحور بعد الكور. وهذه المسألة كثيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد رحمه الله لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في تكفير المعين. فهذا شرح حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره كله في تكفير المعين، حتى أنه نقل فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من دعا عليا فقد كفر ومن لم يكفره فقد كفر. وتدبر ماذا أودعه من الدلائل الشرعية التي إذا تدبرها العاقل المنتصف فضلا عن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده. هذا هو يعني أنت تعرف الرسالة، هذه رسالة الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة تاع تكفير معين تاع الشيخ إسحاق. بهذا يعني أنا الذي أراه يعني وفهمته من الشيخ أن من لم يكفر من وقع في الكفر في الشرك الأكبر أو شك في كفره حتى ولو قال أن هذا يعني مشرك ولم يكفره إلا بعد قيام الحجة. هذا الذي أدين به والذي فهمته والله أعلم. تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله. Donc, Akhil Karim, ce qui concerne ce qui a précédé, Inch'Allah, on va continuer juste après la salat. Mais quoi qu'il en soit, l'ikhwa barakallahu fikum, c'est-à-dire, ça a été mentionné au départ. Barakallahu fikum, soyez, kunu harisin ala l'istidlal bil kitabi wa sunna. Kunu harisin ala l'istidlal bil kitabi wa sunna. Donc, s'il vous plaît, barakallahu fikum, soyez assidus à revenir au Coran et à la sunna. Les paroles des hommes ne sont pas une hujja. Et la preuve, c'est qu'on s'est rendu compte face à nos yeux, enfin, comme tout le monde a pu le voir, que la parole de Cheikh Mohammed, rahimahullah, englobait des choses qui acceptaient le udhr bit ta'wil wa bil jahl, comme walat al-ishraq, comme afwan, astaghfirullah al-azim, comme Mualat Ahli Tawhid, donc celui qui ne réalise pas Mualat, qui khalaf dans certaines choses, dans Mualat Ahli Tawhid, il n'est pas forcément mécréant. Donc s'il vous plaît, barakallahu fikum. Et j'ai juste une chose, le dialogue, je le mène avec une personne. Le dialogue, il est entre moi et le frère Hamdallah. Il est entre personne d'autre, barakallahu fikum. Celui qui veut discuter, inshallah ta'ala, qu'il une autre fois. Mais qu'on ne se mette pas à 5 sur une personne à discuter, ça ne sert à rien du tout, ça ne va mener à rien. Donc si tu veux, si un frère souhaite aider le frère, par exemple en lui envoyant des nukhul ou quoi, le mieux c'est que tu lui envoies en PV, inshallah ta'ala. Ou sinon tu l'envoies en public, mais tu ne poses pas de questions personnelles, personnellement, car je discute avec le frère, je ne discute pas avec personne d'autre. Donc je reviendrai, inshallah, sur tout ce qui a été dit, mais comme on peut voir, c'est que la parole de Cheikh, rahimahullah, il est clair que les khawarij n'ont pas khalif asluddin, et le Cheikh a mis mualat ahli tawhid dans asluddin. Et on a tout de même accepté l'excuse par le ta'wil dans cette chose-là. Donc on a deux solutions. Soit ce qu'a dit le frère, que le damir, que le pronom, il revient simplement à la deuxième partie. Ce qui est ba'id, comme l'akh al-fadil le sait lui-même, c'est très très loin. Enfin, c'est très très peu probable et vraiment même impossible de dire que le damir, que le pronom dans la parole de Cheikh Mohammed, celui qui ne réalise pas ça n'a pas réalisé le tawhid. Donc le sac, il revient simplement au fait de faire le takfir des mouchriquines. C'est impossible quasiment, car ça reviendrait à dire que celui qui n'adore pas Allah, qui a été cité dans le premier point, il a réalisé le tawhid. Frère, je sais que le frère n'adhère pas à ça, donc simplement qu'on ne cherche pas des ta'wilat muta'assifa. Il y a des ta'wilats qui sont vraiment lointaines et vraiment qui nous poussent à chercher à dire des choses qui ne sont même pas rationnelles. Donc le Cheikh a dit, en résumé, le Cheikh a cité des choses qui faisaient partie d'Asl Din wa Qa'idatu, sans lesquelles nul ne peut être musulman. Puis nous nous sommes rendus compte qu'il y a des choses, même celui qui khalef dans les juz'iyat, pas dans le usul, dans le juz'iyat, il peut être musulman comme Mualat Ahli Tawhid. Ça, tout le monde l'a vu clairement. Deuxièmement, ne pas faire da'wa au Tawhid. Ne pas interdire le shirk, celui qui n'est pas dur en interdisant le shirk. Tout le monde sait que celui qui ne fait pas ça, il est musulman quand même. Et le shirk l'a quand même introduit dans At-Tawhid. Le shirk l'a quand même introduit dans Asl Islam. Donc comment expliquer ça? La chose, comment expliquer ça, les khouas, la solution c'est quoi? Comme il dit Allah Azza wa Jal, wa in tuti'uhu tahtadu. Si vous obéissez au prophète, sans cela vous serez bien guidé. Al-Huda, elle est dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kalamul rijal yustadallu lahu wa la yustadallu bih. Les paroles des hommes, on prend des arguments pour affirmer est-ce que c'est juste ou non, mais on ne le prend pas pour argument. Si on commence à prendre les paroles de Cheikh Mohammed rahimahullah, ou Cheikh Ishaq, ou Cheikh Abdel Latif ou d'autres, on va être perdu, on va se retrouver dans des contradictions comme pas possible. Et ça, ces contradictions-là, inshallah ta'ala, il y aura d'autres dialogues fraternels sur ce sujet et on verra ces choses-là. Maintenant, pour la suite de ce que le frère a dit par rapport aux commentaires, j'interviendrai après la salat et qu'Allah Azza wa Jalla nous guide vers la vérité. Wa sallallahu Azza wa Jalla yuriyana al-haqqa haqqan wa yirzuqana ittiba'a wa yuriyana al-batila batilan wa yirzuqana ijtinaba wa barakallahu fikum. On se voit d'ici 15 minutes, 20 minutes, inshallah ta'ala, pour la suite du dialogue. Et même si vous voulez le faire par après, inshallah, il n'y a pas de problème. Sinon, 15-20 minutes, on continue, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et simplement, si on revient, j'aimerais juste reprendre la parole pour par rapport à certaines choses que le Cheikh a dit. Et tu verras, Akhil Karim, que lorsque j'insiste sur le fait que les paroles de Cheikh Mohammed ne sont pas une hujja, ça ne veut pas dire que je dis que le Cheikh il est fait dalal, dans l'égarement. Il manquerait plus que ça. Je ne dis pas pour autant que le Cheikh s'est trompé. Là, je ne dis même pas que le Cheikh s'est trompé. C'est la compréhension même des paroles du Cheikh. Et tout à l'heure, lorsque j'avais cité la différence entre munaqadat, asl al-lazim, وبين مناقضة أصل اللازم وبين مناقضة جزء من أجزاء هذا اللازم. Lorsque j'avais cité cette différence entre l'opposition à la base même d'une implication, d'un fondement, et entre l'opposition à l'une des branches de ce fondement, tu verras exactement que les paroles du Cheikh ne sortent pas de ça. Et tu le verras tout à l'heure, inshallah ta'ala. Wa la ilmu indallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhil Karim, je ne te demande pas de délaisser sa parole pour moi. Je te demande simplement de méditer. Allah Azza wa Jalla t'a donné un aql. Cheikh Mohammed n'est pas un prophète. Cheikh Mohammed n'est pas le wahi. Excuse-moi de dire ça, mais le problème c'est que quand on en arrive à ce point-là, où les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qaddasallahu ruha, ils sont prises comme des sources de législation, là ça devient grave. Je te demande pas de délaisser ma parole. Je te demande de revenir au Coran et la Sunna. Je te demande de revenir au Coran et la Sunna, pas de délaisser ma parole à moi. Moi, ça veut dire, excuse-moi, mais tu t'en as un peu rien à faire de ce que je te dis, moi en tant qu'individu, tu vois. Mais reviens aux sources. Là, tu te rends compte que la parole du cheikh, il y a un problème dedans. Selon le fahm que tu avais au départ, tu voulais affirmer qu'est-ce qu'était Kasruddin, puis tu as cité la parole de Cheikh Mohammed. Tu vois qu'il y a un problème entre ton madhab et entre le dalil que tu voulais prendre. Tu vois qu'il y a un problème. Maintenant, citer les paroles de Cheikh Abdallah et Cheikh Ishaq. Ya ikhwa, on a entre nous le kitab au sunna. Donc, Inch'Allah ou Ta'ala, excusez-moi si je n'ai plus haussé le ton ou quoi, c'est vraiment très fraternel, c'est pas du tout. Et l'akh, il sait très bien, Inch'Allah. Tfaddal akhi, assalamu alaikum. Non, Inch'Allah, je m'énerve pas, non. Pas du tout, Alhamdulillah. Avec d'autres peut-être, mais pas avec toi, akhi al-Karim. Assalamu alaikum, Alhamdulillah. Parole de Cheikh Mohammed, Rahimahullah. Avant ça, Inch'Allah, je rappelle l'importance de revenir au Coran et à la Sunna dans nos argumentations. Deuxièmement, tu avais cité la parole de Cheikh Mohammed, rahimahullah. Tout d'abord, je le répète encore une fois, la parole du Cheikh n'est pas une hujja. Donc, en soi, c'est-à-dire que tu cites ça ou que tu ne le cites pas, alors, c'est pas avec ça qu'on établit le hujja ala al-khalq. Allahu Azza wa Jal dit « Wa uhiya ilayya hadha al-Qur'anu li'unzirakum bih » Donc c'est le Coran par lequel la hujja est établie. C'est pas par les paroles de ar-rijal. Deuxièmement, même si leur niveau est élevé et leur valeur est immense. Tu avais cité la qissatu, yani ayat surat al-mumtahana. Si tu vois bien, il y a première des choses. Il y a cinq choses qui ont été mentionnées. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum. Nous vous désavouons, nous désavouons votre chemin. Taïb. Wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Et entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, c'est-à-dire elle est voyante et manifeste, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul et unique. Awalan, hadhihi al-aya, cette aya, si on dit que tout ce qui a été mentionné fait partie de millatu Ibrahim, allati la yasihu al-islamu illa biha mahma kana hal al-mukhalif, quelle que soit la situation de la personne, de celui qui s'oppose à l'une des choses qui a été mentionnée dans cette aya, il n'est pas musulman, car ça fait partie de Millat Ibrahim alayhi salam et de Asl Islam. Donc premièrement, est-ce que Idhar al-Adawa wal-Bara fait partie de Asl al-Din? Est-ce que manifester l'Adawa wal-Bara qui a été manifesté, qui a été cité dans ce verset, est-ce que ça fait partie d'Asl al-Din? Ça c'est une première des choses. Deuxièmement, هذه الآية نزلت لمخالفة حاطب رضي الله عنها لبعض مضمونها. Donc elle a été révélée parce que حاطب رضي الله عنه s'est opposé à l'une des choses, à certaines composantes de cette aya. ثالثا ماذا قال أهل التفسير؟ المفسرون ماذا قالوا؟ Qu'est-ce qu'ils ont dit sur cette aya? Ça c'est une troisième des choses. Quatrièmement, ma ma'na inna bura'a'u minkum. Ma ma'na inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça c'est des questions que je pose et j'espère inchallah que si l'akh il apporte la réponse, qu'on pourra à la suite de ça inchallah discuter. Noura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخي عبد سلمان. أنت بتعمل إيه؟ Bah, le Mac, j'ai cru que t'as terminé, désolé, parce que il est tombé, quoi. Salam alaykoum wa rahmatullah. Donc, en continuant par rapport à ça, l'akh dit, ça c'est Asbab al-Nuzul. Mais Asbab al-Nuzul, quel est le rôle? Quelle est la réelle fonction de Asbab al-Nuzul? Et qu'est-ce qu'ils ont pour... Asbab al-Nuzul, tuwaddih al-ma'na wa tujalli al-ma'na. Elles explicitent, elles exposent le sens du verset. Donc ça c'est une première des choses, ça c'est par rapport au verset de Surat al-Mumtahana, et Inch'Allah on va y revenir. Donc à la suite de ça, l'akh a cité la parole de... La parole de Cheikh Mohamed Rahimahullah vis-à-vis d'une personne à son époque. Mais si, Akhil Karim, si tu revois bien la parole du Cheikh, premièrement, je répète encore une fois, la parole du Cheikh n'est pas une hujja. Deuxièmement, cet homme à qui s'adressait le Cheikh a dit quoi ? Qala la yakfur bi'aynihi. Tu sais, ça veut dire quoi la yakfur bi'aynihi ? Ça veut dire il renie la base même, c'est-à-dire celui qui fait du shirk, s'il il n'est pas mécréant. Ils font la différence mutlaqan entre le qawl ou le qa'il, et celui qui fait du shirk n'est pas mécréant dans tous les cas. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que le shirk a parlé d'une personne qui a dit ça? Tayyib. Cette personne donc renie le takfir min aslihi. Il remet en cause le takfir min aslihi. Donc il remet en cause le lazim min aslihi. Et on avait dit quoi tout à l'heure? On avait dit man, yani man ankara ou khalafa asl al lazim. Donc ça revient au asl, ça remet en cause complètement le asl même. Donc pourquoi comparer ceux qui ne disent pas ça, ces derniers? Ça veut dire on va prendre des gens qui n'ont pas dit ça, ils n'ont pas dit la yakfur mutlaqan. Lam yunkiru at-takfir min aslihi wa inna mashtaratu lahu shartan muhdathan. Ils ont mis une nouvelle condition qui est une bid'a. Tayyib. D'accord. Ces gens-là, comment faire un qiyas entre eux, ou un takhrij si tu préfères, appliquer les paroles de Cheikh Mohammed sur eux? Ça, ça serait un qiyas. Ou si tu veux un takhrij. C'est-à-dire qu'on l'appelle quoi, comme bon nous semble, la réalité est la même. Les arcanes du qiyas ici sont al-asl ou al-fara, al-illa, al-jami'a, et ainsi de suite. Est-ce que l'asl et le fara sont semblables? Le asl, c'est une personne qui remet en cause le takfir min asli. Le fara, c'est quelqu'un qui a mis un shart muhdath pour le takfir. Est-ce qu'on peut comparer ça à ça et lui donner le même hukm et dire que le Cheikh Mohammed rahimahullah parle de lui? Franchement, c'est un peu... C'est-à-dire, revois ça, Inch'Allah, Akhil Fadil. Par rapport à la parole de Cheikh Abu et de Cheikh Ishaq ibn Abdurrahman rahimahullah, je répète encore une fois la parole de Cheikh Ishaq, comme celle de Cheikh Mohammed, comme celle d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Al-Qayyim, de l'imam Ahmed, d'Ibn Qutayba, de Aïmat al-Sunnah, n'est pas une hujja, c'est pas une preuve. Deuxièmement, quel est le dalil de l'application de ce hukm sur toute personne qui s'y oppose? Ça veut dire le verset, par rapport à ce qu'on a cité précédemment, que les paroles du shir concernent celui qui a remis en cause le takfir min aslihi. Quel est le dalil que ça s'applique même à celui qui a mis un shart muhdath? Quel est le dalil de ça? Car les gens qu'on voit aujourd'hui remettent en cause la base, ne remettent pas en cause la base même du lazim, mais ils apportent un shart qui est muhdath, une condition nouvelle. Donc ces gens dont parle Cheikh Mohammed et parle Cheikh Ishaq ibn Abdurrahman, ces gens remettent en cause la base même les paroles de Cheikh Mohammed. Hein. Les gens concernés dans la parole de Cheikh Mohammed rahimahullah remettent en cause la base même du lazim. Hey, takfir al-mu'ayyan. Ils remettent en cause la base même de takfir al-mu'ayyan. Ils te disent al-mu'ayyan la yakfur. Donc ça, ces gens-là, ils ont remis en cause la base même du lazim. Mais quelqu'un qui te dit là al-mu'ayyan yakfur, walakin ba'd iqamat al-hujja. Est-ce que ça c'est comparable à ça? Non, on voit bien que c'est pas comparable. Non, c'est pas ma compréhension, Akhil Fadil. Ça, c'est exactement ce que le Cheikh il a dit. Ces gens-là, ils ont dit la yakfurul mu'ayyan. La yakfur. Est-ce qu'il a parlé d'Iqamat al-Hujja? Est-ce qu'il a pas parlé d'Iqamat al-Hujja? Donc, c'est pas moi qui fais dire au Cheikh ce qu'il a pas dit. Moi, je te dis exactement ce que le Cheikh, le contexte dans lequel le Cheikh parle. Après avoir jeté un bref regard sur ce contexte-là, cette parole, walillah, alhamdulillah, l'avait déjà lu. Le Cheikh parle de gens qui remettent en cause asl al-takfir. Parce qu'ils te disent la yakfur al muayyan. Donc maintenant, si tu me dis que c'est ma compréhension, maintenant prouve-moi juste une chose, que le shir parle de gens qui ont ishtaratu iqamat al hujja et ils ont dit ces gens n'ont pas réalisé asr al islam. Une autre chose, Akhil Fadil, tu dis la preuve qu'ils ont cité la parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah n'est pas une hujja. Donc, barakallahu fik, on va perdre beaucoup de temps, vous savez, comme ça. Hein. On va perdre beaucoup de temps. S'il vous plaît, Al-Kitab, argumentez d'une manière convenable. Ni Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, je veux dire par là, on n'apporte pas une parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah. Man qala anna man da'a aliyan fa huwa kafir, ou man lam yukafir, ou fa huwa kafir. Et ça, c'est un dalil que toute personne qui dit ça est un kafir dans tous les cas sans exception et que ça fait partie de l'asr al-din. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, barakallahu fikum, et istadillu biladilla as-sahiha, wallahu a'lam. Non. C'est bon, t'as fini ou encore le mic est tombé? Zadakallahu fadlan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. أخي المفضل مسلمان je vais dire pourquoi, parce que eux ils ont ramené quoi, ils ont ramené des paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah où ils veulent l'apprendre comme hujja, que Cheikh l'Islam ne rend pas mécréant certains dans yani, qui tombent dans le shirk al-akbar. Ils ont dit qu'il faut iqamat al-hujja, ils ne l'auront pas mis en aïnan. Et ce Ahmed ibn Abd al-Karim, il a trouvé sa parole, il a pris comme hujja qu'il ne faut pas remettre en ces gens-là, sauf après iqamat al-hujja. C'est pour ça que le Sheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab lui a dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, معروف عنه انه يكفرهم عينا هؤلاء ici c'est connu par rapport quand plusieurs fois quand ils citent leurs paroles la parole du Cheikh l'Islam il disait وهذا في المسائل الخفية كالصرف والعطف. Voilà, c'est pas, quand je t'ai dit, eux ils ont pris ça pour Hujja, pas moi. Je voulais dire, Zama, la preuve qu'ils ont cité, c'est pas moi que j'ai pris cette parole comme preuve. C'est eux qu'ils ont pris, que Ahmed ibn Abd al-Karim, ce Cheikh-là, il a pris la parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il voulait se baser sur ça, pour ne rendre pas mécréants ces gens-là. C'est pour ça que je t'ai dit, voilà leur preuve. Eux, ils prennent cette parole-là. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed al-Adwab, il a répondu. T'as compris, Akhi? Ma'alam, je sais pas si tu m'as bien suivi ou pas. Et par rapport à ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je t'ai dit « Man amila bit tawhid » ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفره. الشيخ يسبس sur deux versets, اخي. Je t'ai dit les deux versets qui se basaient. Et toi tu me dis ouais, en fait cette parole là c'est le Cheikh, il a pris le verset qui se base sur ce verset, il faut qu'on يعني يجب ان ندرس يعني سبب النزول. Pourquoi elle s'est révélée? On le sait tous, c'est vrai, ça, c'est, elle s'est révélée sur les ayats de la surat al-Mumtahana. Elle s'est révélée sur Sabab al-Nuzul, sur Had ibn Balta'a. Mais, akhi, al-Hukm'am, c'est pas khas. Hada la yukhassas, yani Sabab al-Nuzul. Wa innama Hukm'ha am. Hada ma'arouf. Et. Désolé parce que. Et moi je voulais dire quoi? Je voulais dire sur quoi tu te bases quand tu dis le fait de ne pas faire le takfir sur sur tel, car il n'est pas de Asl-Din. Quand tu as dit un exemple, celui qui rend pas mécréant un tarot, celui qui rend pas mécréant un tarot. Ou bien il lui corrige sa religion. Parce qu'il ne voit pas le kufr sur lui, tu dis que celui-là c'est pas un kafir. C'est un exemple que je voulais te. Je sais pas si j'ai parti loin parce que c'est un peu. C'est un peu gêné là. Désolé. En fait, je vais citer quelques versets par rapport au fait de ne pas faire le takfir sur les mécréants. Ça c'est parmi le wala ou le bara, et ça c'est parmi Asl-Din, yani, parmi la ilaha illallah. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسد كبير. نعم. وعلى سورة الأنفال الشيخ محمد عبد الوهاب يقول أي إن لم تجانب المشركين وتوالوا المؤمنين إلا وقعت الفتنة في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المسلم بالكافر على غير تمييز فيقع بذلك الفساد. هذا في مختصر تفسير سورة الأنفال. يقول الله تعالى كذلك يعني في سورة الأنعام كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هنا في تعليق لتفسير لهذا الآية بالضبط هو تفسير الشهيد نحسبه كذلك تفسير سيد قطب رحمه الله يقول إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم فهما صفحتان متقابلتان وطريقان متفرقان. يعني انظر له ولا بد من وضوح الألوان والخطوط ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية. المهم يعني بعد ذلك يقول ووضوح العنوان المميز للمؤمنين والعنوان المميز للمجرمين في عالم الواقع لا في عالم النظريات فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنين في من حولهم ومن هم المجرمين. يعني الكلام سيد قطب يعني رحمه الله désolé pour la traduction parce que franchement certains des fois certains passages j'arrive pas de traduire déjà en arabe des fois des paroles de séchées comme c'est connu de Sayyid Qutb sont vraiment barakallahu fik. هنا آية أخرى يقول فيها الله سبحانه وتعالى يفسرها الشيخ ابن القيم رحمه الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول إن الله قد حاكم ولا أحسن من حكمه إنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم وهذا عام وخاص منهم من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية بل إما الإسلام أو السيف لأنه مرتد بالنص والإجماع. وهذا الحكم والحكم لهم بالإسلام أي اليهود والنصارى والمشركين عين الولاء، فلذلك يكون من تولاهم منهم يعني الإنسان الذي يرى عدم تكفير هؤلاء يعني يرى عدم تكفير هؤلاء فقد تولاهم. يا أخي سبحان الله نعطيك هذا أحكام أهل الذمة صفحة 67 كيف تقول لي Ah ouais, j'ai pas fait la fin de citation quoi. Ouais, désolé. Ouais. Tu parles de la suite. Ouais, désolé. La suite, ouais. Désolé. Non, arglafit. هذه الآيات نفسها يقول القرطبي فيها كذلك. Non, mais c'est pas les paroles de. Ouais, c'est pas les paroles de. C'est pas les paroles de mon cahier. يقول ومن يتولهم القرطبي في هذا التفسير في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء من استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يقول هي باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. يقول بعد ذلك في تفسير يأتي بقول ابن عباس في قوله ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون هو مشرك، لأن من رضي بالشرك فهو مشرك. Celui qui est satisfait du shirk, il est mushrik comme eux. D'accord, on ne sait pas le bon. Okay. Et moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre à Abou Salman. Comment ça se fait celui qui voit que ça c'est du shirk, ça c'est du shirk, mais ils n'auront pas mécréant celui-là. Juste après Iqamat al-Hujja. Est-ce que celui-là pour toi, il l'a pas fait, il n'a pas contredit le Coran et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam? لأن الله سبحانه وتعالى كفر من وقع في الشرك، فكيف يأتي أحد ويشك في هذا؟ يقول لا أنا أكفر بعد إقامة الحجة. Comment ça se fait? Il doute de sa méchance. Il dit non, il ramène une, il se base sur un truc. Il dit ouais, moi je le rends méchant après la حجة. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et toi, tu dis que celui-là il est excusé parce que il dit que il faut qu'on le rend après Qamat al-Hujja. C'est ça que je t'as donné exemple tout à l'heure, celui qui a l'asl al-din et tout, mais ils n'auront pas mécréant, certains mécréants, parce qu'ils voient qu'il faut Qamat al-Hujja sur eux. Moi j'arrive pas à mettre ça dans ma tête quoi. Comment ça se fait? Moi pour moi celui-là il a démenti le Coran, parce que le Coran wa sunna kaffaru man waqa'a fi shirk al-akbar. فكيف يأتي أحدهم يعني وهو مسلم موحد ويقف ويشك في هؤلاء ويقول أنا أكفره بعد إقامة الحجة؟ دور موا une explication par rapport à ça أخي أبو سلمان. C'est ça que j'arrive pas à comprendre moi. فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا البراءة من المشركين وتكفيرهم ومعادتهم، فكيف يعني يأتي أحدهم ويتوقف ويشك؟ والآية التي يعني لي فيرسي كي جي سيتي الغونتر دون لاليونس اي لو ديزافو دي لاليونس دي مسلمون دي ديزافو دي كفار. اسكو سي لا سول الا دو سون تكفير سي باسكو يعني اسكو سي la seule et là dessus je ne pas lire c'est bon à toi. Salam alaikum wa rahmatullah. Akhi, le soal que je t'ai posé c'est يعني ذكرت أن علة كفر المتوقف عن تكفير في تكفير عن تكفير مقترف الشرك أن علة كفره هي التكذيب، فسؤالي لك يعني هل هذه هي العلة الوحيدة أم أنك تجعل كذلك موالاته للمشركين؟ تفضل. J'ai cru comprendre à la fin que tu faisais, tu considérais aussi موالاته للمشركين comme étant une علة de التكفير. Est-ce que j'ai bien compris? Et je te laisse répondre pour qu'après inshallah je réponde à ce que tu as cité auparavant. تفضل. Non, okay. Ça c'est clair. L'alliance, celui qui allie les kuffars et les mushrikin et les mécréants. Moi, j'ai pas précisé que juste celui qui yajhad hadhihi al-ayat. Non, j'ai pas dit ça. Je t'ai dit, celui-là, il voit que le fait qu'il va s'allier les kuffars et les mushrikin et les mécréants, certains, ils voient ça et tout. Mais il ne le rend pas mécréant, il ramène une règle, il dit il faut que je fais iqamat al-hujja. D'où il a ramené cette règle là qu'il a rajouté. Non, celui qui ne fait pas le takfir qad walahu innaka an al-mawlata kubra. Non, celui qui ne fait pas le takfir qad walahu. Bien sûr, celui qui ne fait pas le takfir de ces gens-là, indirectement, il a fait une mouala. Moi, je ne te dis pas que c'est une mouala kubra. Mais il a fait de l'ouala. Ça veut dire, s'ils n'auront pas mécréant, ça veut dire c'est quoi pour eux? Parce que, imma l'islam ou imma l'kufr. Ma fi tarafain. Allah subhanahu wa ta'ala s'ammahum mushrikin wa kuffar. Il n'y a pas entre les deux. Ou bien c'est un mécréant, ou bien c'est un musulman. Et celui-là, il vient, il te dit, moi, d'où il a ramené cette règle? C'est ça que je veux comprendre, moi. Je cherche à comprendre. Il y a des versets clairs que celui qui n'aura pas mécréant, c'est un mécréant. Et celui qui fait du shirk akbar, c'est un mushrik, c'est un kafir. Pourquoi il rajoute une règle comme celle-ci? Et elle n'a aucune source dans le Coran et la Sunna cette règle. Et toi, tu le sais. Fadal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, Inch'Allah, je vais tout d'abord revenir sur ce que tu as mentionné depuis le départ. Et puis, je répondrai à ta question d'où ils ont ramené leurs règles. Donc, Taïb. Dans ton exposé, tu avais mentionné la question de sarf ou l'atf, qui font partie de la sorcellerie. Sarf qui consiste à séparer deux personnes et l'atf qui consiste à réunir deux personnes sans qu'il y ait de cause apparente. Taïb, d'accord. D'accord, attends. Salam alaikum wa rahmatullah, vous m'entendez? Le son est bon là. Donc, avant de répondre, Inch'Allah, aux dernières de tes questions, je vais revenir dans l'ordre chronologique des choses, ce que tu avais mentionné au départ. Tu avais mentionné la question de sarf wal atf, un sarf qui est une forme de sorcellerie qui consiste à séparer deux personnes sans cause apparente. Et l'atf qui consiste au contraire à réunir deux personnes sans cause apparente. D'accord. As-sarf wa al-atf, si on voit bien, parce que tout à l'heure une personne avait dit oui, mais Cheikh Mohammed Abdel Wahab, il a cité l'ijma' que celui qui fait de la sorcellerie est mécréant, et parmi la sorcellerie, as-sarf wa al-atf. D'accord. Ça fait partie de Nawaqid l'islam al-ashr. Puis Cheikh Mohammed rahimahullah lui-même a cité que sarf wa al-atf faisait partie des masa'il al-khafiyya, et il fait pas le takfir automatiquement. Donc là, on a deux solutions. Soit on dit que certaines choses que le Cheikh Rahimahullah a citées dans le Nawaqid l'islam acceptent quand même l'udhr bil jahl wa ta'wil, pas toutes, parce que là, ça, comment on va savoir ça? C'est en réunissant les paroles du Cheikh. Et ça, c'est pour savoir la position du Cheikh. Mais nous, pour savoir la position qu'Allah Azzawajal veut de nous, c'est en revenant au Coran et la Sunna. Deuxièmement, Cheikh Ishaq, rahimahullah, citait que c'était aussi la position du Cheikh Mohammed, rahimahullah. Et tu peux trouver ça dans certains ouvrages que Cheikh Al-Khudayr avait fait, où il mentionnait les paroles de Cheikh Ishaq dans Al-Wisata, fi Sharh Awwal Risala min Majmu'at al-Tawhid. Al-Wasit, fi Sharh Awwal Risala min Majmu'at al-Tawhid. Quoi qu'il en soit. Donc tu avais cité ce point-là. Donc on a deux solutions. Soit on dit que le Cheikh a khassa certaines choses qu'il a dit dans d'autres passages. Soit on dit que le cheikh se contredit. Donc je pense qu'on va plus opter pour la première. Si on opte pour la première, donc on ne peut prendre les paroles du cheikh et dire qu'il est impossible qu'il les ait khassos, qu'il les ait spécifiés, ça c'est une erreur. Parce que si tu acceptes qu'il les ait spécifiés dans un cas et qu'il ne les spécifie pas dans l'autre, là il y a un problème. Là il y a une contradiction. Maintenant, une autre chose que tu as mentionné, celui qui pratique le tawhid et ne connaît pas sa valeur. Taïb, moi je te pose juste une question, Akhil Karim. Ne pas connaître la valeur du tawhid. Je rentre dans ce sujet parce que tu l'avais mentionné, Akhi, simplement. Sinon, je l'aurais pas mentionné du tout. Attends. Je rentre dans ce sujet parce que tu l'avais mentionné auparavant. Sinon, je l'aurais pas mentionné, Inch'Allah. Inch'Allah, on va continuer simplement. Donc, tu as parlé de ne pas connaître la valeur du tawhid. Taïb, ne pas connaître la valeur du tawhid, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est une cause du kufr? D'accord. Elle est présente où? Elle est présente dans le cœur. Taïb. Et les usuliyin, ils disent quoi? Est-ce que l'ilal al-qalbiyya, est-ce que l'a'mal al-qalbiyya peuvent être des ilal shara'iyya? Est-ce que les actions du cœur peuvent être des causes légales qui motivent les statuts légaux, l'ahkam shara'iyya? Yani, hal l'a'mal al-qalbiyya al-khafiyya tasihu علالا شرعية وبالتالي يعني أسبابا وعلالا للتكفير هذا لم يقل به أحد يعني بأقصد بالتكفير يعني تطبيق حكم يعني أقصد بالتكفير التكفير بالظاهر إذ نحن مكلفون بالحكم على الظاهر donc on doit juger les gens selon l'extérieur. Or ne pas connaître la valeur du tawhid c'est dans le cœur. طيب étant donné que c'est dans le cœur, c'est ce qu'on appelle une illa khafiya. C'est une cause légale qui n'est pas perceptible aux yeux humains, à l'œil humain. Les causes légales qui ne sont pas perceptibles à l'œil humain, les usuliyins s'accordent à dire qu'ils ne peuvent pas être des ilal shar'iyya, des causes légales qui sont prises en considération dans l'ahkam, dans les statuts légaux, c'est-à-dire pour gérer la vie des gens. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Allah Azza wa Jal met en place une illa zahira apparente qui va accompagner cette illa khafiyya et qui va prouver son existence, qui va prouver sa présence, afwan. Je sais que ces termes ont l'air un peu compliqués. Mais par exemple, l'autosatisfaction ou la satisfaction de donner un bien, de vendre un bien, elle est où à la base? Elle est dans le cœur, Taïb. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal peut laisser l'humanité à chercher à savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens pour pouvoir régler et gérer leurs transactions financières? C'est pas possible. Pour quelle raison? Parce que sinon, ça reviendrait à l'anarchie sur terre. Donc que se passe-t-il? À ce moment-là, Allah Azza wa Jal va établir des alfaz ou des causes légales apparentes qui vont être soit des paroles soit des actes qui vont faire office de preuve de la présence de cette autosatisfaction intérieure de donner son bien et de récupérer en échange un autre bien. Donc c'est ce qu'on appelle les transactions. D'accord. Une autre chose, al-mashaqqa, la difficulté. Pour quelle raison la mashaqqa ne peut pas servir de cause légale de illa shar'iyya pour la question du voyage et pour établir que celui qui est en voyage a le droit de faire la prière du voyageur? Parce que le mashaqqa, ce n'est pas qu'elle est khafiyya, elle n'est pas mundabita, elle n'est pas précise, elle varie d'une personne à une autre. Le fait de lier un hukm shar'iyya à le mashaqqa reviendrait à ce qui est l'anarchie sur terre. Chacun va dire, moi j'ai le mashaqqa, moi je ne l'ai pas, moi je l'ai, moi je ne l'ai pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Allah Azza wa Jal va fixer le hukm qui est ar-rukhsa ou soit wajiba, soit mustahabba. Donc Allah Azza wa Jal va fixer le hukm de la permissivité ou l'obligation de diminuer du nombre de rakat en voyage, non pas à cette cause qui est imprécise, qui est la difficulté, mais une cause qui est précise. Quelle est-elle? C'est le voyage, as-safar. Donc c'est une illa mundabita. Donc en résumé, ayyuha l'ikhwa, al-illa al-shar'iyya et surtout illa al-takfir, il faut qu'elle soit zahira mundabita. Il faut qu'elle soit zahira et mundabita. Il faut qu'elle soit claire et précise. Prendre une illa, ghayr zahira khafiya, qui est une illa intérieure, et prendre n'importe quel acte extérieur pour dire cet acte-là, il prouve la présence de cette illa intérieure, ça, ça reviendrait à l'anarchie. Moi, si c'est comme ça, chacun va ouvrir cette porte, il va te dire celui qui insulte un musulman qui a la barbe, bah, il déteste la barbe. Mais si c'est comme ça, on va ouvrir une porte énorme. Donc à ce moment-là, l'ilm il fixe quoi? Pour indiquer ces îles à l'intérieur, il faut qu'il y ait des aqwal et des af'al zahira mundabita qui vont faire office de la, qui vont indiquer la présence de cette île à l'intérieur. Donc imaginez ne pas savoir la valeur du tawhid. Comment sait-on qu'une personne ne sait pas la valeur du tawhid, étant donné que ne pas connaître la valeur du tawhid est intérieur? Comment va-t-on savoir qu'une personne ne sait pas la valeur du tawhid? C'est que lorsqu'il y aura un texte du Qur'an et de la Sunna, ou un ijma, bien sûr, qui est un mustanad, qui va prouver que celui qui fait telle et telle chose ne sait pas la valeur du tawhid. D'accord? Mais, par exemple, celui qui soutient les koufars contre les musulmans, il ne sait pas la valeur, il ne donne pas la valeur au tawhid, par exemple. Mais prendre des choses, c'est-à-dire prendre tel et tel point, sans preuve, et dire que ce point-là, il indique que la personne ne sait pas la valeur du tawhid, juste comme ça, bil aql, à part la raison humaine, ça c'est pas une hujja, la raison humaine, laissat bi hujja, at-takfir laissa madaruhu laissa ala al-aql. At-takfir, il ne revient pas à la raison humaine. Il ne revient pas à la raison humaine. Quelqu'un, par exemple, qui perd 3 milliards de dollars, il n'a pas le droit de faire du kofr, et quelqu'un qui se prend 3 coups de bâton, il a le droit de faire du kofr, ayyou al-ikhwa. Est-ce que la raison humaine, elle accepte ça? Quelqu'un qui a le corps de Abu Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il se prend 3 coups de bâton, il a le droit de faire du kofr. Et quelqu'un qui perd 3 milliards, il n'a pas le droit de faire du kofr. Est-ce que vous préférez l'un d'entre vous? Je pose juste une question à l'un d'entre vous, subhanallah al-azim. S'il vient à avoir le choix entre prendre 3 coups de bâton et perdre 3 milliards, tu préférerais quoi? Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va me dire « je préfère perdre 3 milliards ». Tout le monde va dire « vas-y, je prends les 3 coups de bâton et puis je m'en vais avec les 3 milliards et je vais faire le khayr, je vais faire ça ». Taïb. Donc, c'est pas la aql, c'est pas la raison qui te fixe ce qui est un manière du takfir, ce qui n'est pas un manière du takfir. Ce qui te fixe, c'est quoi un manière du takfir? De ce qui ne l'est pas, c'est le shara, c'est la loi d'Allah Azzawajal. Et le aql n'a pas de dakhl ici. Le aql n'a pas de dakhl. Donc, je reviens à la illa que l'akh il avait cité et que Cheikh Mohammed rahimahullah a cité auparavant, qui est ne pas connaître la valeur du tawhid. Pour savoir si quelqu'un sait ou ne sait pas ce qu'est la valeur du tawhid, il faut des preuves du Qur'an et de la sunna qui prouvent que cette personne-là, et qui prouve d'une manière sariha, parce que ma thabata bi yaqin la yazulu illa bi yaqin mithli, ce qui est affirmé d'une manière certaine, qui est l'islam, ne disparaît que d'une manière certaine, c'est-à-dire que par une autre preuve qui est aussi ça qui nous permet d'obtenir le degré de yaqin ou une conviction certaine. Donc ce qui indique qu'une personne ne sait pas la valeur du tawhid, c'est des preuves du Coran et de la sunna sariha qui sont claires. Mais dire telle chose, celui qui fait ça, non, c'est pas possible qu'il connaisse la valeur du tawhid, en soi, c'est pas une hujja. C'est la religion, frère, presque. Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, c'est à lui d'apprendre cela. Même si c'est à lui, frère, ça c'est un autre sujet, les arad, ça c'est un autre sujet, inshallah. Mais quoi qu'on en... Parce que là, faut pas oublier, les gens qui te disent que takfir al-mushrikin, je parle même de takfir al-mushrik alladhi yantasib ila l'islam, et qui fait un acte qui est un acte de shirk, tout en ne sachant pas que cet acte est une ibad à l'irilillah azawajal, celui qui ne fait pas le takfir de celui-là n'a pas réalisé le din, il ne te parle pas de l'i'arad, de pas l'i'arad. Il ne te parle pas de ça. L'i'arad, ça c'est une autre mas'ala. Si à partir du moment où on parle de l'i'arad, ça n'ajtarit iqamat al-hujja, puis on va dire al-hujja qa'ima li'i'aradihi. Mais ceux qui disent ça, il ne faut pas oublier une chose, que ce soit Abu Maryam ou d'autres, que ce soit Abu Maryam ou Diyadin Qudsi ou d'autres, ils te disent qu'il n'y a pas besoin d'iqamat al-hujja dans ces choses-là. Donc qu'il soit mu'arid ou qu'il ne soit pas mu'arid, il n'est pas musulman à la base. Mais après, si le hujja est établi sur lui, les kafirs, il a le châtiment des gens de l'enfer dans l'au-delà, et s'il n'est pas qaïma sur lui, ni en ce bas monde, ni dans l'au-delà, il ne l'a. Donc je continue par rapport aux commentaires de ce que tu avais cité. Tu avais cité une chose, c'est l'ayah dans surat al-Mumtahana. La question que je pose tout simplement, inshallah, est-ce que tout ce qui est cité dans l'ayah fait partie de Asl al-Din? Nous avons cinq choses. Lorsqu'ils ont dit, donc il faut dire, ça se fait partie de la millatu Ibrahim alayhi salam. Si on prend tout ce qui a été dit, tout ce qui est dans l'aïa fait partie de la salle de din. Nous sommes donc dire aux mushrikin que nous sommes innocents d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Troisièmement, wa kafarna bikum. Nous vous désavons, dans le tafsir de Mukathir, nous désavons votre manhaj. D'accord. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Et entre vous et nous, العداوة et le بغضاء sont à jamais déclarés jusqu'à ce que vous croyez en Allah, c'est l'unique, et d'une manière plus précise, sont apparents. Donc faire apparaître العداوة et البغضاء. Et là, on va revenir à une autre chose encore, inshallah, c'est que signifie le bara, que signifie العداوة et que signifie البغضاء. Que signifie le bara? Qu'est-ce que signifie l'adawa? Ma ma'ana al-bara? Ma ma'ana al-adawa? Ou ma ma'ana al-bagda? Donc ça c'est une autre chose. Comme tu pratiques le bara ou l'adawa sans takfir. Ça c'est l'aql, ça. Ça c'est par ta raison, akhi. Avec tout le respect que j'ai pour toi, akhi al-habib. Ça c'est par l'aql. L'aql humain peut te dire comment pratiquer le bara et l'adawa sans takfir. Akhi al-fadil. Al-bara signifie at-takhallus. At-takhallus. Par le aql, na'am, c'est par le aql ça. Ça c'est d'un point de vue rationnel, ce qui peut, dans certains cas, yani, fi ba'd al-ahyan, yasih, wa ba'd al-ahyan la yasih. Yasih ou idha stanada ila dalilin shar'i, wa la yasih idha kana dalilan aqliyan mahdan. Si c'est un dalil purement rationnel, il n'est pas pris en compte. Mais si c'est un dalil qui est renforcé par le shar, il est pris en compte. Mais si c'est juste l'aql, c'est pas pris en compte. Je vais expliquer, inshallah. Al-bara. Je vais te donner la définition qu'Ibn Manzoor il a donné. Un instant, s'il te plaît. طيب. قال ابن منظور الإمام ابن منظور رحمه الله تعالى عند كلمة براء قال ابن الأعرابي رحمه الله تعالى برئ إذا تخلص وبرئ إذا تنزه وتباعد أعيد برئ إذا تخلص وبرئ إذا تنزه وتباعد. Donc le terme براء signifie التخلص والتباعد. طيب. Maintenant, je te pose une question, Akhi, par rapport à ce même sujet. Enfin, je vais détailler ma position, Inch'Allah, on va continuer. Celui qui est convaincu que celui qui fait du shirk n'a pas réalisé Asl al-Din. Wa takhallasa minhu. Ay, i'taqada annahu kharijun an da'irati Asl al-Din. Il est convaincu que cette personne n'a pas réalisé son acte, anna fi'alahu, la yuafiqu أصل دين الأنبياء فأبغضه لذلك. Il l'a donc détesté dans cette chose-là. وعاداه اعتقد أنه في جانب وهو في جانب في فعله هذا الشركي. Et il est convaincu que cette personne qui a fait du shirk, il est dans une voie, dans une rive, et lui est dans une autre rive. Dans quoi? Dans ce shirk-là. Et que dans ce shirk, il ne se réunit pas dans la même rive que lui. أن في شركه ليس أنه مع شركه لا يجتمع معه في عداوته أي عداوة التوحيد. طيب. ولكن لشبهة قامت عنده اعتقد أن اسم الإسلام ما زال قائما به وما زال مستحقا له حتى تقام عليه الحجة، ولكنه في حقيقة الأمر تبرأ منه. في حقيقة الأمر تبرأ منه أي أخرجه من تبرأ منه في شركه. Donc réellement, lui s'est désavoué de lui dans son shirk. Et il a été convaincu que son shirk est un égarement. Et que son shirk ne se réunit pas. La yajtami' ma'a millat Ibrahim alayhi salam. Wa kadhalik, donc, et aussi, il l'a détesté pour ce shirk-là. Mais à cause d'une choubha qu'il a, il pense que le nom de musulman lui est toujours attribué. Lui est toujours attribué s'il est ignorant ou si Qamat Hujja n'a pas été établi sur lui. Est-ce que cette personne, on va dire de lui, lam yatabarra min al-mushrik wa lam yu'adi? Est-ce que cette personne, on va dire, est-ce que cette personne, on va dire qu'il ne s'est pas désavoué du mushrik et qu'il ne l'a pas fait le bara ni l'adawa sur le mushrik? Parce que le mushrik, pourquoi on doit faire l'adawa sur lui? Parce qu'il a fait du shirk. Donc imagine-toi que la personne a fait le, c'est-à-dire se désavoue du mouchrik dans son shirk, mais il pense que le nom de musulman lui est toujours attribué à cause d'une chouba. Si tu me dis oui, mais Allah l'a rendu mécréant. Oui, mais Allah il a aussi interdit le khamr, le vin. Allah il a interdit le vin. Tu dis Allah l'a rendu mécréant, a dit que le nom de musulman ne devait pas lui être appliqué. Et cette personne vient ramener une nouvelle règle et dit que le nom de musulman lui reste. Ben, la même chose, Allah a interdit le vin et a dit que le vin était interdit pour tout le monde. Et Uthman Qudama ibn Maz'un radiyallahu anhu est venu et a permis le vin pour lui et son groupe s'ils étaient pieux. Donc est-ce que Qudama ici, il était kafir aussitôt? Est-ce qu'il était kafir aussitôt, Qudama? Non, il a eu besoin d'Iqamat al-Hujja. Donc on voit que ce qui est Jali, Zahir pour certains, peut échapper à d'autres. Mais quoi qu'il en soit, si tu discutes sur ça, Akhil Fadil, sur le fait est-ce que Iqam al-Hujj a été établi sur lui ou n'a pas été établi, ça c'est une autre mas'ala. Mais sache que les gens qui sont certains, qui adhèrent pour la position que tu as, eux ils ne te parlent pas d'Iqam al-Hujj, ils te disent celui qui est con, celui qui appelle le mushrik muslim, même s'il se désavoue de son shirk, même s'il déteste son shirk, même s'il est convaincu que son shirk est un égarement, même s'il le fait sortir de la da'ira du tawhid, mais même à partir du moment où il continue à l'appeler musulman, il est mécréant parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que l'islam. C'est ça que disent les autres et ils ne parlent pas de Iqam al-Hujja et de Iqam al-Hujja, est-ce qu'elle est accomplie ou elle n'est pas accomplie. Mais la base, Akhi, tu dis, c'est à toi de me répondre de quelle base ils ne le rendent pas mécréant. C'est à cause d'une choubha qu'il a. Il a une choubha, il pense, tu vas juste comprendre. L'homme qui a demandé qu'on le brûle, ou Aïcha radiallahu anha. Partons du principe de Aïcha. Je vais te citer juste ce hadith. Concrètement, tu as deux solutions. Soit tu fais le takfir d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, soit tu remets en cause ton principe de base. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a suivi dans le hadith rapporté par l'imam muslim, lorsqu'elle a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit, le prophète l'a rattrapé. Taïb, mais moi je me réjouis que tu me répondes. Le prophète, tu connais tout le récit. Ibn Taymiyyah, moi je ne parle pas de Al-Qawl al-Rajih, que Aïcha radiallahu anha, je cite d'abord le récit. Donc le prophète est sorti, Aïcha l'a suivi, il a été à voir les morts qui sont morts pendant la bataille de Badr, si je me souviens bien, il a fait des doigts pour eux, il est revenu, elle était devant lui, il a marché vite, elle est rentrée à la maison, elle soufflait encore, il est rentré, il s'est allongé sur elle, il a vu qu'elle soufflait fortement, il lui a dit, Malik ya Aïcha, qu'est-ce que tu as ya Aïcha? Il lui a dit à ce moment-là, soit tu m'informes, sinon Allah va m'informer de ce qu'il y a dans ta poitrine. Elle lui a dit, Allah sait-il ce qu'il y a dans les poitrines? Selon Ibn Taymiyyah, elle a dit ça. L'imam Nawawi dit que Aïcha a dit, Allah sait ce qu'il y a dans les poitrines, c'est vrai. Et Cheikh Islam Taymiyyah a dit, Aïcha a dit, Allah sait-il ce qu'il y a dans les poitrines? Est-ce vrai? Non. Allah sait-il ce qu'il y a dans les poitrines? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, oui. Donc je pose juste une question. Selon la compréhension d'Ibn Taymiyyah, Aïcha savait ce que Allah ne savait pas. Aïcha savait donc. Elle savait où est-ce qu'elle était, elle? Taïb. Elle pensait qu'Allah ne savait pas. Donc Aïcha pensait savoir ce qu'Allah ne savait pas selon cette compréhension. Moi je te pose juste la question. C'est la compréhension d'Ibn Taymiyyah. Tu as deux solutions. Soit tu fais le takfir d'Ibn Taymiyyah. Sinon tu dis-moi comment partir du principe. Parce que penser savoir, penser que quelqu'un qui sait ce qu'Allah, qui pense savoir ce qu'Allah ne sait pas, penser que cette personne est musulman. S'il n'y a pas une opposition ici, je voudrais juste que tu me dises d'où Ibn Taymiyyah a tiré ça, rahimahullah. Certains envoient en PV, arrête d'égarer les gens. Je n'égare pas les gens, j'expose certaines choses. Maintenant, on va essayer de discuter. Parce que c'est bien beau de faire le takfir de Cheikh Abu Mohamed Maqdisi, de Cheikh Ali Khodair et d'autres. Et dès qu'on parle de Cheikh Islam Taymiyyah, tout d'un coup, tout le monde se tait. Ou sinon, on cherche mille et une excuses à Ibn Taymiyyah. Et puis, dès que on parle. ils ont apporté une nouvelle chose, ils n'ont pas de preuve, donc c'est des mécréants. Quelle preuve peux-tu trouver, Akhil Fadil, pour dire que celui qui pense savoir ce qu'Allah ne sait pas, il est musulman? Quelle preuve peux-tu trouver? Moi, je te laisse le micro, Inch'Allah, me répondre par rapport à ça. Et sache que c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit que Aïcha pensait qu'Allah ne savait pas ce qu'il y a dans sa poitrine. Taïb. Donc, elle savait ce qu'il y avait dans sa poitrine. Khair, Inch'Allah. Dans Aqid al-Mouahidin, alhamdoulilah, c'est... Et certains frères disent qu'il y a divergence entre les savants, celui qui doute d'une parcelle d'un attribut n'est pas kafir. D'accord, moi je suis d'accord avec vous qu'il y a une divergence. Mais maintenant, la parole d'Ibn Taymiyyah ici. Douter de la parcelle d'un attribut, moi je suis d'accord sur ça. Mais cet attribut-là ici, Aïcha, elle pensait qu'Allah ne savait pas ce qu'il y avait dans sa poitrine. D'accord, mais elle le savait ou pas, elle? Elle le savait ou pas? Elle le savait. Ça c'est toujours selon la compréhension de Cheikh l'Islam. Taïb, est-ce qu'Ibn Taymiyyah, on fait son takfir ici? Parce qu'il a compris ça de Aïcha? Je laisse le micro, Inch'Allah, et j'aimerais bien qu'on me réponde par rapport à cette question. Je t'ai répondu en haut. Je vais regarder, Inch'Allah. Elle a cru qu'il peut être Allah. Qu'il peut être Allah ne sait pas tout. Qu'Allah ne sait pas tout, d'accord, mais elle le savait, elle? Elle le savait? Elle savait la chose. Akhi, regarde, médite bien. Elle, est-ce qu'elle savait ou pas? Selon la compréhension d'Ibn Taymiyyah, elle savait. Allah ne le savait pas. Ibn Taymiyyah a considéré que ça c'était une excuse. Donc comment tu expliques ça, Akhi? Taïb, tu sais pourquoi, Akhi, tu veux pas rentrer dedans? Je t'explique. Parce que Wallah al-Azim, cette parole d'Ibn Taymiyyah, t'as deux solutions, selon le principe auquel vous adhérez. Soit vous faites le takfir d'Ibn Taymiyyah, soit vous remettez en cause votre principe. C'est clair que ça fait mal au cœur de voir qu'Ibn Taymiyyah a dit ça, il n'y a pas de doute, mais simplement une chose, vous avez deux solutions. Soit vous faites le takfir d'Ibn Taymiyyah, soit vous rentrez pas, soit à ce moment-là vous revoyez votre tafsil. Mais je vais continuer, Inch'Allah, si tu veux. Sauf si tu veux le micro, moi je peux continuer parce que j'ai d'autres choses que j'avais pris note. J'aimerais bien y arriver, Inch'Allah ta'ala. Si tu veux que je te laisse le micro, je te laisse le micro, Akhi. Non, Akhi, je te juge pas, Akhi al-Habib. Wallah, je te juge pas. Je te dis juste une chose. Je parle de toute personne qui a ce principe-là et qui se retrouve face à cette. Yani kullu man kana indahu anna al-asl anna kull man tawaqqafa fi takfir al-mushrik man fa'ala al-shirk wa huwa yantasib ila al-islam fa huwa kafir fa kalam al-shaykh al-islam al-taymiyyah sayushkil alayhi wa la bud fa huwa amam يعني حالتين, إما أنه يقول بأن شيخ الإسلام تيمية كافر أو أنه يراجع تأصيله, يعني لا مفر له من هاتين من يعني لا مفر له من هذه من هذه الأشياء. والله تعالى أعلى وأعلم. إجن تجوش باخي الفاضل. Et tu sais bien, Inch'Allah, c'est Barakallahu Fik. Je laisse le micro pour qu'après on continue, Inch'Allah, s'il y a besoin de. Si il y a toujours le. Inch'Allah, salam alaikum. Alhamdulillah, salat wa salam ala salam. Salam alaikum. Il y a du son? Non. Moi, je voulais juste te dire entre parenthèses, Abou Salman. Premièrement, ne me fais pas rentrer dans ça, parce qu'on va y aller, ne fais pas rentrer dans des autres sujets, parce qu'on va y aller loin. Et ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le fait que je t'ai dit, moi, celui qui dit ça, je le rends mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a corrigé la religion des mécréants. C'est par rapport à ça, c'est pas basant sur comme la parole de Abou Mariam ou d'autres. Bon, c'est pas par rapport à ça. Parce que le fait qu'il dit il n'est pas mécréant, là-bas, ça veut dire qu'il est musulman. Ça veut dire qu'il a corrigé la religion des koufars. Voilà. C'est par rapport à ça que je le rends mécréant. T'as compris, Akhi Abou Salman? C'est ça que je voulais te dire. C'est ça. C'est pas. Après, tu vas dire, ouais, chacun, n'importe qui se base sur cette croyance-là, il va être entre deux choses, quoi que ce soit, je sais pas moi. Ça, c'est un autre sujet. Bref, moi c'est pas moi j'ai senti que j'étais visé, mais bref. انت تعلم انه لازم المذهب ليس بي ليس بلازم اخي. لا، ما في مشكل، ما في مشكل. De toute façon, tu as dit que je te vise pas. خلاص، مي la première fois je t'ai dit, ça m'a gêné quoi. Mais bref, الحمد لله، نسال الله الهدايه، امين اجمعين ان شاء الله. Mais quand tu m'as dit, c'est pour ça que j'ai pris le mic, je t'ai dit voilà ma croyance, pourquoi je leur ai créé ces gens-là. T'as compris, Abou Salman? C'est par rapport à ça. Par rapport à qu'il n'y a pas entre les deux. Ou bien c'est un musulman, ou bien c'est un kafir. Et je t'ai dit, réponds-moi par rapport à ça. Tu m'as pas répondu jusqu'à maintenant, tu m'as pas répondu. Tu me ramènes certains points, d'autres sujets, où c'est. Même pour certains ici, ils ne vont pas les comprendre. Et c'est ambigu, tu vas. Désolé pour ce mot-là, ce n'est pas ton intention, mais tu vas faire des ambiguïtés aux gens par rapport au sujet du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et tout. Ne le fais pas rentrer parce que, comme a dit, Khatibun Nas, c'est entre parenthèses, c'est ça que je voulais dire. Ne fais pas. On ne rentre pas dans ce sujet-là parce que ça va aller loin. Et c'est par rapport à ça que je te dis ça. Voilà, Barakallahu fik. Moi, il ne me reste pas beaucoup de temps par rapport à le. Parce que je dois quitter, je dois aller travailler. Mais j'aimerais bien qu'on reparle, Inch'Allah. Et et franchement, comme je disais au frère, moi, je suis. Quoi que ce soit, je ne suis pas là pour faire plaisir à quoi que ce soit, ni c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours on cherche le haq, yani nadour ma'a al-haq haythumadar. Et qui ce soit, celui qui est contre ou celui qui est avec moi je ne cherche pas à lui faire plaisir. Nahnu nabhat an al-haq. Et le jour où je vois que tu me ramènes des preuves, comme je dis aux frères ils sont venus te voir, je le disais, moi je cherche le haq. Et si, quoi que ce soit, si n'importe quel frère il me ramène des dalils que j'ai tort dans ça, il n'y a pas de souci, on revient, ça c'est clair. Al-hikma dhallatul muslim aynama wajadaha fahuwa awla bi'an yattabi'aha. Hada ma indi. Désolé pour quoi que ce soit, si j'ai dit un mot bien c'est pas moi, j'ai dépassé les limites, quoi que ce soit. Barakallahu fikum. In kuntu asabtu min Allah, wa in kuntu akhta'tu fa min nafsi wa min ash-shaytan wa la ubarri'u nafsi. Inna an-nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum. À toi, Akhi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi le Habib, juste pour que tu me comprennes, ne prends surtout pas mal quoi que ce soit que j'ai dit. Sache une chose, que quand je te parle maintenant, ce n'est pas qu'à toi que je parle. C'est ça la chose aussi. C'est-à-dire, si la discussion entre toi et moi, le mieux, c'est le problème, c'est que moi je pensais que les frères, quand toi t'es arrivé, ils t'ont mis en avant pour que tu dialogues. Donc moi, ce n'est pas, si c'est une discussion entre toi et moi, on en discutera, Inch'Allah, entre toi et moi. La parole d'Ibn, et je n'ai aucunement, c'est-à-dire, j'ai jamais voulu te vexer ou quoi que ce soit, akhi. Loin de moi l'idée, Wallah al-Azim, Allah il est témoin. Et tu le sais bien, alhamdoulilah. Ça, ce genre de choses entre nous, je ne pense pas qu'il n'y a pas photo, tu sais, sur ces choses-là. Maintenant, simplement vu les conséquences de cette bid'a shani'a qui est en train de se propager, al-ghulu fi takfir, il faut prendre les choses en main. Il faut reprendre les choses en main, il faut rediscuter convenablement. Donc certaines fois, citer l'awazim, les implications d'un madhab, et que tu n'en as pas 30, tu n'en as que 2, il n'y a pas de mal à ça. Moi je sais que toi, tu, Inch'Allah, médite sur ce que je t'ai dit, tout en sachant, un frère m'a envoyé en PV, il me dit, oui, arrête de manipuler les gens, dis-leur que Ibn Taymiyyah ne voit pas de shirk akbar, ne voit pas de udhr dans shirk akbar. Ça c'est une chose, si je n'ai comment expliquer. Les gens le savent de moi depuis je ne sais combien de temps. Walillah alhamdu wal minna. Que je ne vois pas l'udhr bil jahl fi shirk l'akbar ni pour celui qui fait du shirk l'akbar. Mais cela dit, lorsque j'ai cité la parole, la vie de Cheikh Islam Taymiyyah, c'est pour montrer juste une chose. Par exemple, on a les roulades, ceux qui ont dépassé les limites, qui ont été au-delà de Cheikh Abou Mariam et de d'autres, anti-Talafi et d'autres, qui font le takfir de Cheikh Abdullah Babotain. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que celui qui ignore, une partie d'un attribut qui est le Qudra, il est excusé. Et ils ont dit, quant à Cheikh l'Islam Taymiyyah, ils ont dit, on n'est pas sûr qu'Ibn Taymiyyah ait mis ça dans Majmou' al-Fatawi. Ben si c'est comme ça, il ne faut plus rien rapporter d'Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawi. Il ne faut pas rapporter juste ce qui les arrange, ces gens-là. Mais à Babotain, ils ont fait son takfir sans aucune gêne. Il y a d'autres personnes, il faut bien qu'on en arrive là. Par exemple, je te donne juste un exemple. Je donne cet exemple à tout le monde. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, combien de fois a-t-il mentionné la vie de Ibn Muflih dans son livre Al-Furu'? Combien de fois l'a-t-il mentionné? Quand il a envoyé ses rasa'il pour faire da'wa, combien de fois l'a-t-il mentionné? Combien de fois a-t-il parlé de Bab al-Ridda dans le Furu' d'Ibn Muflih? Tayyib. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, pourquoi n'a-t-il pas fait le takfir d'Ibn Muflih? Alors qu'Ibn Muflih cite un khilaf que certains ils ont dit dans Bab al-Ridda, dans Kitab al-Ridda, dans Bab al-Hudud, dans Kitab al-Hudud, Bab al-Ridda, il cite le khilaf sur le coffre de celui qui porte une croix. Le coffre de celui qui porte une croix. Certains ils ont dit Yahrum wa la yakfur. Tayyib. Selon ces gens aujourd'hui qu'on voit les roulettes, mettre une croix c'est une mécréance dans tous les cas. Et c'est une réalité, mettre une croix. Porter une croix c'est du kofr. Tayyib. Mais Ibn Muflih, quand il cite le khilaf ici, c'est un musulman cette personne. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui le voit, qui dit rien, qui blâme pas. Qu'est-ce qu'il en est? Dire il ne l'a pas vu, comment? Kitab al-Hudud ou Bab al-Ridda en particulier. Ici il mentionne des choses dedans et d'autres choses il ne les a pas vues. Il ne voyait pas très bien donc il a vu que ça. Faut être un peu éveillé, Inch'Allah, je pense. J'ai un dalil qui ne rend pas mécréant. Il a cité le khilaf entre Ahl al-Ilm, entre le Hanabila en particulier, sur celui qui porte une croix. Inch'Allah, je l'enverrai, Inch'Allah, ta'ala, à une prochaine occasion. Mais quoi qu'il en soit, la discussion, on la continuera une autre fois. Par rapport à Cheikh l'Islam Taymiyyah, lorsque j'ai mentionné sa position, c'est pour montrer une chose, que si on fait le takfir de Cheikh Abu Muhammad aussi vite, je ne parle pas de toi, Akhil Fadl, alhamdulillah, je ne parle pas de toi, je parle de certaines autres personnes qui sont présentes ici. Si on fait le takfir de Cheikh Abu Muhammad aussi vite, le takfir de Cheikh Ali Khudair, d'Ahmed Khalidi et d'autres, aussi rapidement, pour quelle raison Ibn Taymiyyah le laisse-t-on de côté? Est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas d'excuses et Ibn Taymiyyah, on doit lui chercher maintes et une excuse? C'est ça que j'aimerais comprendre. Et lorsque j'ai cité la parole du... J'ai pas mis Abu Muhammad avec... Là, il dit, subhanallah, tu vas mettre Abu Muhammad avec Cheikh l'Islam. J'ai pas mis Abu Muhammad au même niveau que Cheikh l'Islam Taymiyyah. Je te dis juste une chose. Ces deux musulmans, ce qui est valable pour un, c'est, disons, on parle même pas d'islam ici. Ces deux êtres mukallafines, deux êtres responsables. خير ان شاء الله اخي الله يبارك فيك المقدسي اللي مكريم خير ان شاء الله خير ان شاء الله ces deux êtres responsables on va continuer ces deux êtres responsables Cheikh Islam Taymiyyah et Cheikh Mohammed Abdul Wahhab ces deux êtres responsables si Cheikh Mohammed ibn Cheikh Islam Taymiyyah et Cheikh Abu Muhammad ces deux êtres responsables Cheikh Islam Taymiyyah qui dit que Aïcha ne savait pas qu'Allah savait ce qu'il y a dans les poitrines alors qu'elle savait très bien ce qu'elle a fait, lui il est immuni du kofr, on n'ose pas dire que c'est un kafir. Alors que ça rentre dans notre principe de base, qui est que celui qui ne fait pas le takfir du mushrik, ou celui qui ne fait pas le takfir de celui qui pense avoir ce qu'Allah n'a pas, c'est un kafir. Ça, je parle des qawa'id amma que certains ils ont fixés, et ils font entrer ceux qu'ils veulent, comme bon leur semble. Je ne parle pas de la validité de ces règles-là dans l'absolu. Je parle simplement de la compréhension que ces gens ils ont. Cheikh l'Islam Taymiyyah rentre dans certaines choses que eux ils ont fixées comme asbab de takfir et de mukhalaf al asluddin. Pourquoi Cheikh l'Islam Taymiyyah elle est immuni de ça? Pour quelle raison? Il a corrigé la religion. Et une autre chose aussi, Akhi Hanzala, il y a une chose que je pense que tu ne comprends pas. C'est que signifie, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, celui qui corrige, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man lam yukafir al-mushrikin faqad sahaha madhhabahum? Est-ce que le prophète l'a dit? Si le prophète l'a pas dit, c'est un istinbat, c'est une déduction. Peut-être pas de toi, Akhil Fadil. C'est une déduction de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux me citer qui a fait cette déduction et de quelle manière ils ont fait cette déduction? Et est-ce que cette déduction, elle est qat'iyya ou est-ce qu'elle est vanniyya? Est-ce qu'elle est certaine, évidente ou est-ce qu'elle est probante? Et qu'est-ce qui en découle de tout ça? Et venir vite fait dire que Cheikh Abou Mohamed, il a corrigé la religion des mécréants, donc c'est un musulman. Simplement, les PV, dis-leur la vérité que tu ne fais pas le takfir des savants du Tarot, comme Ibn Baz. Franchement, vous êtes un peu... élevez un peu le niveau, s'il vous plaît. On discute d'un sujet, pourquoi vous parlez de... On est en train de discuter d'un sujet. On est en train de parler d'un cas. Asselo, fixez les bases même de votre croyance et on discute. Attachez toutes. Essayez d'éparpiller le sujet, ça ne sert à rien. Moi, les sujets dont j'ai parlé, c'est que le frère en a parlé de ces sujets-là. Je prenais des notes. Et après avoir pris ces notes, je répondais à certaines choses. L'istinbat des versets. Taïba, akhi, alhamdallah, tu dis l'istinbat des versets. Maintenant, je veux juste que tu nous expliques. Parce que j'allais venir après à tout ce que tu as cité, Inch'Allah. Si tu permets juste 5 minutes, akhi, je voulais juste te montrer certaines choses qui sont même quand même. Franchement, ça me fait. Je veux juste que tu écoutes ça si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu permets que je te cite juste certaines choses par rapport à certaines argumentations que tu as mentionnées? Akhiel, t'asmahouli? Tfadal. Non, alhamdoulilah, salatu wassalam. Assalamu alaikum. Quand je disais que le Maqdisi est mécréant, c'est par rapport au fait qu'il corrige la religion d'un parlement, celui qui travaille dans le parlementaire, il dit le fait qu'il est en retraite, il est musulman. Il dit le fait qu'il est dans la retraite, il est musulman, car le sabab takfir, il s'est enlevé sur lui. La cause qu'on rendit mécréant celui-là, il s'est enlevé sur lui, le fait qu'il est en retraite. Et c'est clair, sa position, sa parole, elle est claire. Il ne me dit pas que j'ai mal compris ou quoi que ce soit. Celui-là, est-ce que pour toi il n'a pas corrigé la religion du mécréant? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, celui qui l'autorise, le tahakum. Il a vraiment dit n'importe quoi. Il n'arrive même pas à distinguer entre tahakum et l'istinsar, le fait de chercher le jugement et le fait d'avoir la protection, comme on dit. يا أبو سلمان والله صدقني يا أبو سلمان ونحلف بالله والله لما قلت هذه كانوا الإخوة عندي في المطعم والله ما قرأت كتاب الرد شيخ أبو مريم والله صدقني قلت لهم أنه الشيخ قلت هكذا بهذا اللفظ قلت والله ما قرأتها قلت الشيخ أبو محمد وهم يعني كانوا الإخوة حاضرين عندي قلت هكذا قلت الشيخ أبو محمد لا يفرق بين الاستنصار والتحاكم فسبحان الله لما ذهبت أقرأ لأبو مريم في الرد فقلت سبحان الله العظيم يعني كلامي مش أنا أقول لك يعني ولكن كلام الشيخ أبو مريم كان يعني عنده رد يعني طيب ورد علمي فقلت سبحان الله نفس الكلام الذي قلته يعني يقوله الشيخ أبو مريم ولكن هو بتفصيل يعني أدلة أخرى فأنا الذي أرى هذا هو يعني إنسان يصل إلى أن يجيز تحاكم يعني تحاكم وهذا أصل من أصول الدين فكيف أنا أعذره أعطيني دليل على أني أعذر هذا الرجل أو أنه يقول أن المتقاعد من البرلمان مسلم ونستطيع الصلاة وراءه سبحان الله إذا كنت ضد هذا وأنا هذا الذي وأنا صراحة يعني أنا سأتكلم بالعربية وأقول لك يعني أنا هذه المناقشة ما كنت أريدها صدقني أنا كنت تكلمت مع الإخوة قلت أريد أن أتكلم مع أخ بوسمان وكنت قلت لك المرة الماضية نتكلم يعني في هذا الباب في هذا الموضوع لكي يعني نستفهم ونتراجع إذا كان كنا في خطأ. هذا الذي أردته فقط لا غير. أنا سأنسحب والله أنا متأخر أبو سلمان وأنا لست يكفرني من يكفرني أو غيره فأنا لست يعني أنا لا يعني إذا كان هم يكفرونك فهذا أمرهم هذا أمرهم وأنت تعلم هذا وأنا إذا كنت أعتقد بهذا الاعتقاد على حسب فهمي لهذا الكلام لهؤلاء المشايخ فهمتني أخي وليس يعني أنا لست من الرعاع كما يقال يعني رعاع يتابعون كل فهمتني وأنت تعرف كلام علي رضي الله عنه في هذا الباب أو لست إمعة أتبع من يعني كل من هب ودب سمعتني أخي هذا الذي أردت قوله وإن شاء الله ما يعني لا تكون بيننا وبين بغضاء أيا كانت ونسأل الله السلامة ونسأل الله أن لا يجعلنا حقد أو بغض في الذين آمنوا اللهم آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum, salam, rahmatullahi wa barakatuh. Amin, inshallah ta'ala. Et j'espère qu'on aura l'occasion, inshallah, à Mara Oukhra, de tahaddis. Wa la'allallah azza wa jalla yahdi qulubana ila al-haq. Simplement, je vais juste revenir sur certaines choses que tu as mentionnées. La parole, la question de Cheikh Abu Mohammed, le problème c'est quoi? C'est que, qabl al-tafri'a, fa ta'alaw, nous assil. La première des choses, qu'au moins on puisse fixer les bases même et les fondements même de ce sujet, avant de commencer à parler des cas individuels. Mais khair, inshallah, je vais simplement revenir sur certaines choses que tu as mentionnées, vu les erreurs qu'il y avait dedans. Bayan al-Haq, parce que tu l'as dit devant tout le monde, sinon je l'aurais dit en privé. Mais étant donné que tu l'as dit devant tout le monde, que je suis dans l'obligation de le faire, inshallah ta'ala. Tu avais dit que l'aya de Surat al-Mumtahana, que l'ibra bil umum. Akhi, je pense que tu ne fais pas la distinction entre la considération du sens des versets doit être selon la globalité des textes et entre l'impact de asbab al-nuzul ala ma'na al-aya. Et inshallah, je t'invite à lire ma dhakrahu min al-mu'assirin al-Sheikh Walid al-Sa'idan dans son livre Al-Qawaid al-Usuliya et il a traité de ce point-là wa ta'thir suwar sabab al-nuzul fi ma'ani al-ayat. Inch'Allah, reviens vers ça et tu verras qu'il y a une différence entre la considération doit être en fonction de la globalité des textes et entre la prise en considération de la cause de la révélation afin de mieux comprendre le sens des versets. Tu avais cité un ensemble de choses. Tu avais cité la parole de Cheikh Mohammed Rahimahullah sur Illa taf'alouhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Que si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous ne vous alliez pas pour Allah, vous ne vous désavouez pas pour Allah, il y aura sur terre une corruption et un trouble et une énorme corruption. Franchement, dans ce que tu as cité comme parole de Cheikh Mohammed, ça n'a rien à voir avec le sujet. Il n'y a rien dedans qui indique que nommer quelqu'un qui fait du shirk musulman à cause d'une choubha qu'il a, tout en se désavouant de son shirk, tout en le détestant pour son shirk, et tout en étant convaincu qu'il est dans un égarement, que ça s'oppose, que cette chose-là, c'est une opposition à Asr al-Din, et celui qui fait ça ne peut être musulman dans aucun cas. Dans la parole de Cheikh Mohammed, il n'y a rien, là, il y en a ni dans le début, ni à la fin, ni au milieu, il n'y a rien qui indique cette chose-là. Deuxièmement, tu as cité la parole de Sayyid Qutb, rahimahullah. Première chose, Sayyid Qutb n'est pas un alim, donc je pense que tu n'ignores pas. Sayyid Qutb n'est pas un alim fait tafsir, ce qu'il a écrit, c'est des pensées qu'il a eues sur le Coran al-Karim. D'accord. Donc, lorsqu'on parle de al-mufassirun, la moindre des choses, c'est de revenir à al-mufassirin al-awalin. Deuxièmement, Sayyid Qutb rahimahullah a rappelé l'importance de distinguer entre le mécréant et les musulmans était un objectif de la charia. était un objectif et une, était un objectif naam. Donc où est ici le fait que ne pas que nommer quelqu'un qui commet du shirk tout en ignorant que ce qu'il fait est une adoration que seul Allah mérite et tout en étant convaincu que l'adoration seul Allah la mérite, que nommer celui-ci musulman tout en se désavouant du shirk qu'il a fait, tout en étant convaincu qu'il est dans un égarement et tout en étant convaincu que ce qu'il a fait s'oppose à la religion des prophètes, où est la preuve dans la parole de cette prophète que ceci rentre dans Asl-Din et que celui qui s'oppose dans ce cas-là n'a pas réalisé la base de l'islam et peut dans aucun cas être musulman. Troisièmement, tu as cité la parole d'Ibn al-Qayyim et Ibn al-Qayyim rahimahullah a parlé de At-Tawalli. Si je ne t'avais pas fait la remarque au départ, on aurait quasiment pu comprendre que celui qui ne fait pas le takfir des mushrikines, ça c'est l'une des plus grandes formes de mu'alat, d'alliance envers les mushrikines. Donc Ibn al-Qayyim n'a pas dit ça. Ibn al-Qayyim a parlé de At-Tawalli et que celui qui s'allie aux mécréants, il fait partie d'eux. Et il a parlé, il a cité aussi un qaïd. Qala faman tawallahum wa dakhala fi dinihim. Mais il entre dans leur religion. Donc premièrement, je sais que ça c'est pas un qaïd pour toutes les formes d'alliance. Et ne sait pas tout le temps que celui qui n'entre pas dans leur religion ne s'est pas allié à eux, mais dans cette parole que tu as citée n'a rien à voir avec notre sujet. Deuxièmement, At-Tawalli, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le comprendre, l'imam Ibn al-Athir, rahimahullahu ta'ala, dans son livre Ghalib al-Hadith, a cité que parmi les significations de At-Tawalli, il y a quatre choses. Parmi les significations de At-Tawalli, il y a quatre choses. Al-Mahabba wal-Nusra wal-Muwafaqa wal-Mutaba'a. Al-Mahabba wal-Nusra wal-Muwafaqa wal-Mutaba'a. Et donc l'amour, le soutien, s'accorder à une personne, l'accord ou l'approbation, et le suivi. Or, ce n'est pas tout amour comme tu sais, ce n'est pas toute forme de mahabba qui est une alliance aux mécréants. Mais la habba qui est une alliance aux mécréants, c'est d'aimer le kafir pour son kufr. Mais celui qui aime le kafir pour autre chose que son kufr, on ne dit pas qu'il a fait du tawalli, mais c'est une mu'alat sughra. Et certaines fois, c'est même pas quelque chose de haram. Quand, lorsque c'est par exemple une mahabba tabi'iyya. Un nusra par exemple. Est-ce que c'est toute forme de nusra qui est éduquée à tawalli? Tu le sais très bien. Enfin, tout le monde le sait, ce n'est pas toute forme de nusra qui est un tawalli. La nusra, le soutien des mécréants qui rentre dans le cadre de tawalli, qui fait sortir de l'islam, qui se rentre dans le cadre de l'alliance aux mécréants qui fait sortir de l'islam, c'est de les aider soit dans leur kufr d'une manière directe, soit de les aider contre les musulmans. Al-Muwafaqa. Est-ce que là, toute approbation, ce n'est pas toute approbation des mécréants qui est une alliance majeure qui exclut la sphère de l'islam, mais c'est de les approuver dans leur kufr. C'est de les approuver dans leur kufr. Mais si tu les approuves dans autre chose, par exemple, ou que tu les aimes, par exemple, ici, que tu aimes celui qui fait du shirk, quelqu'un qui aime quelqu'un qui fait du shirk, non pas pour son shirk, mais parce qu'il fait salat. Il l'aime pour sa prière, il l'aime pour sa sadaqa. Est-ce qu'il s'est allié à lui? Est-ce qu'il a commis de l'alliance majeure? Celui qui a commis l'alliance majeure, c'est celui qui l'aime pour son kufr. Mais celui qui l'aime pour autre chose que son kufr, il n'a pas fait de l'alliance majeure et ce n'est pas, ça n'entre pas dans le verset. Et la dernière des choses, al-mutaba'a, le suivi. Al-mutlaqul mutaba'a kufr. Non, ça on le sait bien. Donc le suivi qui est du kufr et qui est une alliance majeure qui exclut la sphère de l'islam, c'est de suivre les kufars dans leur kufr. Donc cette parole d'Ibn al-Qayyim n'a rien à voir avec le sujet. La parole, après tu as cité barakallahu fik, la parole de Al-Qurtubi. La parole de Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala. L'imam Al-Qurtubi, tu vois bien, dans sa parole, il a dit celui qui est satisfait, faman radhiya bil-shirk. Celui qui est satisfait du shirk est un mushrik, fa huwa mushrik. Mais ici, celui qui te dit que celui qui, que la personne qui s'affilie à l'islam et qui commet un acte de shirk sans savoir que c'est du shirk et en étant convaincu que l'adoration seul Allah le mérite, mais il ignore que cet acte est une adoration que seul Allah mérite, que cette personne la reste musulman, tout en étant convaincu que cette personne n'a pas réalisé la base de l'islam et qu'il est égaré dans la base de l'islam et il le déteste pour son shirk et il est convaincu qu'il est dans un égarement dans son shirk. Celui qui fait ça, où est-ce qu'il a été satisfait du shirk ici? Mata radhiya bi shirk. Depuis quand est-ce et dans quel cas et comment il a été satisfait du shirk pour être un mouchlik? Donc ça a quoi? Ça a quel rapport avec notre sujet? Donc les trois tafassirs que tu as cités n'ont aucun rapport, ni de près ni de loin avec notre sujet. Et le problème, après tu as cité une chose, tu as dit ton absence de comprendre. Tu as cité sur que tu ne comprends pas que ces gens apportent, te dit Allah, il dit que ceux qui font du shirk sont des mécréants, et eux ils te disent non. Ton absence de compréhension, Akhil Fadil, ou l'absence de compréhension de qui que ce soit n'est pas une hujja fi dinillahi azza wa jalla. C'est pas une preuve c'est pas une preuve contre les gens dans la religion d'Allah azza wa jalla. Et c'est pas toute contradiction akhi qui est du kufr. Comme l'a dit Cheikh Islam Taymiya, wa laysa kullu munaqadh kullu tanaqudhin kufran. Ce n'est pas tout tanaqud, toute contradiction qui est du kufr. Donc ici tu as dit Allah l'a rendu mécréant et lui non, il l'a pas rendu mécréant. Donc il a apporté une nouvelle règle. Je te dis la même chose. Allah a interdit le vin. Allah a interdit le vin. Et Qudama ibn Maz'un l'a permis pour lui, ceux qui étaient avec lui, s'ils sont pieux. Donc Qudama, d'où il a ramené ça? De la parole d'Allah Azza wa Jalla, laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu idha mattaqaw wa amanu. Il n'y a pas de mal pour ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres à manger, à se nourrir de ce qu'ils veulent tant qu'ils croient et qu'ils sont pieux. Quel est l'argument ici? Franchement, si Qudama ibn Maz'un ne l'avait pas fait, quelqu'un l'avait fait aujourd'hui, wallah, tout le monde se serait précipité à faire son takfir. La majorité des gens se seraient précipités à faire son takfir. Elle est où l'argument ici? Où est-ce que tu... Franchement, c'est loin. C'est difficile d'en arriver à cette conclusion à partir de ce verset. Mais les sahaba, ils l'ont excusé, radiyallahu anhu. Les sahaba, ils l'ont excusé. Donc, le fait qu'on ne comprenne pas comment une personne est arrivée à une chose, ce n'est pas une hujja. L'absence de compréhension n'est pas une hujja. Al-hujja fi kitabillah wa sunnat al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Mais je te rappelle juste un hadith, et je le rappelle à tout le monde, inshallah. Le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a levé les yeux au ciel et il a dit, peu s'en faut que la science ne soit retirée. Et il y avait un sahabi qui s'appelait Labid. Il lui a dit, il a regardé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulallah, أيرفع العلم ونأوى كتاب الله بين أيدينا والله لا نقرأ أنه ولا نقرأ أنه نساءنا وأولادنا. Il dit, est-ce que la science va être retirée alors que nous avons le livre d'Allah entre nos mains? Par Allah, nous allons apprendre le livre d'Allah et nous allons l'enseigner à nos femmes et aux enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé ensuite et lui a dit, يا لبيب كنت أظنك من أفقه أهل المدينة. Je te pensais parmi les personnes les plus intelligentes de Medina. Ne vois-tu pas ces gens du livre Al-Kitab? Et ils ont avec eux ce qu'ils ont comme livre d'Allah Azza wa Jalla. Ils ont une partie du livre d'Allah. Mais la science, donc ici se termine le hadith. De ce hadith-là, on peut comprendre quoi? Que la science, elle peut être présente. Revoir, pour plus d'explications, ce que Cheikh Ali Khouder avait cité dans Al-Haqqaq fi Tawhid, la science peut être absente et le livre, il peut être là. Donc nos sources shara'iyah, ils sont là, mais il n'y a personne pour dévoiler ces sources-là et pour retirer Shubha et pour montrer à Dalala clair des textes et retirer les Shubhat qui empêchent de comprendre convenablement l'objectif d'Allah Azza wa Jalla et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça rentre dans le cadre de At-Takdib, dans le démenti. Et Allah Azza wa Jalla dit idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayata al-kubra fakadhaba wa 'asa. Donc Allah Azza wa Jalla s'adresse à Moussa alayhi salam et Haroun, à Moussa, il a dit va vers Pharaon car il s'est rebellé. Innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka, dis-lui, est-ce que tu souhaites ou je t'invite à ce que tu te purifies. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, à ce moment-là Moussa alayhi salam lui a montré الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ وَالْفَىٰ تُفِيدُ التَّعْقِيبُ, الْفَىٰ montre l'ordre des choses, la particule fa. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, à ce moment-là Pharaon il a démenti et il a désobéi. فَالتَّكْذِيبُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْبَعْدَ يعني مجيء الرسالة وبلوغ الرسالة. Et ce qui ne fait pas partie de Asl al-Din, il faut absolument iqamat al-hujja wa izalat al-shubha idha kanat yani bi ashabiha yani ba'd al-shubha qad halat baynahum wa bayn fahm an-nusus al-shar'iyya. Donc il faut absolument retirer les ambiguïtés, les rendre invalides si entre ces preuves là qui contiennent ces ambiguïtés et entre les gens s'il y a entre ces preuves qui contiennent la vérité et entre les gens il y a des shubuhat qui leur empêchent de comprendre convenablement les choses. Et ça on va y venir inshallah, d'où l'importance de reprendre au plus tôt sharh inja hajati sa'il. Le shirk va en arriver à ce point là wallahu ta'ala a'la a'lam. Et inshallah je dois m'absenter et j'espère que ça a été profitable pour tout le monde. J'espère que ça a été profitable pour tout le monde, inshallah ou ta'ala. Celui qui est d'accord, celui qui n'est pas d'accord, qu'il vienne la prochaine fois. On continue la discussion. Les discussions vont continuer, bi'idhnillah. Simplement, on a retardé les discussions pour certaines choses. Inch'Allah, ne pensez pas que c'est par crainte. Bifadlillah azzawajal ou biquwati, alhamdulillah, la vérité, elle est toujours tantasir. Elle est montasira. Elle est mansoura bifadlillah ta'ala. Mais simplement, si ça a tardé, c'est pour des raisons bien particulières bifadlillah ta'ala. Et les ambiguïtés vont être dévoilées. Et la voix de ces khawarij contemporains va disparaître bi'idhnillah azzawajal un jour. Et quand je dis khawarij, je ne parle pas du frère Hanzala. Simplement, je parle de certains qui ont dépassé certaines limites. Les frères qui se trompent, on demande à Allah Azzawajal de les guider. Taïb, assalamu alaykoum wa rahmatullah alaykoum wa allahu a'lam. Et sachez que tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan. Et Allah et son messager en sont innocents. Fama kana min sawabin, famin Allahi wahda. Wa ma kana min khatain, au zalalin, au nisyanin. Faminni wa min ash-shaytan. Wallahu wa rasuluhu minhu bara. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On a tous les frères qui écrivent en PV. Simplement, je dois y aller. Inch'Allah, quand je vois quelqu'un...